Vous êtes sur Indestar et dans quelques minutes, c'est J'ai vu la lumière, alors je suis entré. Votre rendez-vous hebdomadaire d'improvisation scénariste. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Oui, place à l'impro, bonjour, est-ce que ça va dans le studio? Ça va. Yes. Formidable, eh bien on est très content de vous retrouver comme tous les mardis pour J'ai vu de la lumière, alors je suis entré, cette émission avec un nom beaucoup trop long, mais que j'aime bien. Donc c'est une émission d'improvisation. Oh là là. Ah, c'est donc ça, d'improvisation. Oui, c'est... Oh là là. Oh là. Et surtout la partie... Oh là là. Une émission consacrée entièrement au bafouillage, voilà, si vous bafouillez. Non, une émission d'improvisation scénarisée. Où donc je prépare en avance des canevas d'improvisation, des squelettes de sketch quelque part, et je les propose à mes comédiens que j'invite chaque fois, qui changent à chaque fois. Voilà ce que c'est, j'ai vu la lumière, alors je suis entré. Bonjour Ariane. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, alors c'est ta première participation dans l'émission? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es stressée? Totalement. Eh bien tu as raison. Non, pas du tout. Non, t'inquiète pas, ça se passe bien en général. Personne n'est reparti traumatisé à part une fois dans... Bon. On ne dira pas. Non, on coupera pour le podcast. Oui, l'émission est disponible en podcast sur le site d'Indestar. T'as vu ma transition? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ariane? Je suis en fac de sociaux. D'accord. En deuxième année, ouais, je crois? Ouais, c'est d'accord. Ça. Et au conservatoire de théâtre de Tours. Oui, voilà, moi aussi, on est camarades. Mais non, mais non, mais c'est fou. Étonnant. C'est moi dans le fond de la classe. Incroyable. À côté du radiateur. Mais non, t'avais jamais remarqué. C'est normal, personne ne ment, jamais. On profite pour faire des bisous, tiens, à Hélène, qui est notre prof, et à toute la promo aussi. Ah oui, dédicace. Ouais, des petits bisous. Bonjour madame. Enchanté. Et bah Marc, bonjour. Bonjour Clément. Tu vas bien? À ma foi, fort bien, et toi? Oui, très bien. Toi, c'est pas la première fois que tu viens? Non, c'est la troisième fois. Troisième fois, là là. Je vais faire une carte de fidélité un jour. Et c'est quoi, au dixième? C'est une fois gratuite? Au dixième, ton micro ne marche pas. Ah, tu fais l'émission en muet. C'est bien? Ouais, ça me va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marc? Alors, actuellement, je suis électrotechnicien. Oulala. Au niveau électronique pour les trains. Alors, ça jusqu'au 28 mars. Mm-hmm. Et après, bah, je vais être en recherche d'emploi et j'ai déjà commencé un petit peu. Ça va. D'accord. Ça devrait se passer. Super. S'il y a des auditeurs qui sont mécontents de leur trajet de train, est-ce qu'ils peuvent t'appeler? Alors, ils peuvent m'envoyer des mails, ouais. Je transmettrai ça à messieurs Parier. D'accord, super. Et je peux donner ton numéro là en live? Oh, vas-y. Petit service. Non, mais t'es sérieux? Mais non, je ferais pas ça. Non, je ferais pas ça. Je ferais ça en off plus tard. Ouais, voilà. Sur le podcast. Vous le retrouverez en commentaire et dans la description du podcast. C'est ça. Salut Anthony. Eh bien, salut Clément. Tu vas bien? Ça va. Je te trouve incroyablement beau aujourd'hui. Je trouve que tu t'es bien rasé, que tu as un superbe t-shirt. C'est vrai que. Oui, tout à fait. Voilà. J'espère que grâce à ça, j'aurai des bons rôles. T'as écouté l'émission de la semaine dernière, toi, où tout le monde faillotait, incroyable. Les gens faillotaient, mais plus ils faillotaient, moins ils avaient des bons rôles. Non, c'est faux. Mais Donc si on faillote, on aura des bons rôles, c'est ça? Non, c'est le contraire. Ah, ok. Donc Anthony, bah, merci beaucoup de tous ces compliments, ça me laisse sans voix à la radio, c'est pas pratique. Ça sera les seuls que t'auras du coup. Ah merci, bon, un peu d'honnêteté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Anthony? Je travaille dans une grande boîte qui vend des produits électroniques. D'accord. Et voilà, il y a deux lettres juste avant micro-électronique, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. C'est ce qu'on retrouve dans tous les portables, dans toutes les prises connectées, toutes les télés, dans tout ça. Incroyable. Ils vendent plein de pièces. Oh, plein de pièces. Formidable. Et voilà. Donc, Anthony et Marc, vous faites de l'improvisation théâtrale au fruit? Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc, on voilà, fait un bisou aux copains. Dans une poire, exactement. Une poire. Ouais. Un fruit qui est trop. Au fruit, dans le fruit. Exactement. Troupe de tête d'impro amateur de Tours. Un petit commentaire avant de commencer. Comment vous vous sentez tous? Bah écoute, je trouve qu'il fait un petit peu chaud, mais après c'est peut-être moins... Ah ouais? Mais il caille dans le studio, mais tu oui, regardes? Moi j'ai un peu froid. Ouais, ça caille. Ah hein. Bah, chacun. Ça va. Je vous rappelle donc que l'émission est disponible en podcast sur le site d'indestar.fr et également sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer. Donc a priori, il n'y a pas d'excuse pour dire « j'ai pas trouvé ». Voilà. Vous pouvez liker sur Instagram, sur oui, Facebook, tout à fait. Sur tous les réseaux sociaux. Tout à fait. Dans les dans les campagnes, dans les réseaux sociaux. Voilà. Tout ça. N'hésitez pas. Voilà. Et votez au municipal. Tout à fait. Donc, les improvisations que je vous ai prévues aujourd'hui, il y en a 6 en tout, comme à chaque émission d'ailleurs. On va avoir une histoire de hotline de 118-218. Ça existe encore, ce truc-là. Ça, oui, c'est vrai. On va avoir une histoire de résistance. Oh. Pendant la Deuxième Guerre, tout ça. Non, allez. Est-ce que tu savais que la résistance est un composant électronique et donc oui. On risque de partir en cacahuète. Alors oui, et tu viens de me ruiner une de mes meilleures vannes que je gardais yes. pour tout à l'heure, merci. Bravo. C'était le titre de l'impro. Bah oui, résistance électrique, j'étais fier de moi. Enfin fier, non, c'est un grand mot. Bref. Ouais, tu peux la garder. Hein. On va parler après d'addiction. Alors, ce sont des thèmes qui ont l'air graves comme ça, mais vous inquiétez pas, on va les traiter de manière légère. De toute façon, avec ces zigotos-là, oui, je pense pas qu'on puisse faire autrement. C'est un compliment, bien sûr. On va parler de la zone 51. Ah, yes. Donc, je l'ai visité, ouais. Ah, t'as visité. Ah bon ? Bah oui. Ah ouais ? D'accord. Bah, je suis né là-bas. Ah, d'accord, mais c'est pour ça. Putain, tout s'explique. On va parler de maisons de retraite. Ah, yes. Déjà visité aussi. Ah oui, je suis né là-bas aussi. Juste à côté de la zone. Quel enfer. On va parler de visite immobilière. Et voilà. Ok. Voilà le programme de cette émission. Est-ce que le programme vous sied? Il nous sied à ravir. Parfait. Oh, formidable. Vous m'envoyez ravi. Il nous a sied. Il vous a sied. Bon, d'accord. Avant de passer à la première improvisation, on écoute Lionel Cassio avec sa chanson Help You Out. Ah, elle est vraiment trop bien. J'ai vu de la lumière, 21h23h sur Indestar. Tout à fait, 21h23h sur Indestar. Salut Théo. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Oui, nickel, tu viens d'arriver, c'est un petit peu la course là, ça a pas l'air parce que mon temps de voix est plutôt calme. Oui. Calme. C'est la magie. Tu sais jouer la comédie. Donc, Théo, rebonjour, on te connaît du coup, tu es le patron un petit peu de Indestar. Qui est en train physiquement de galérer avec le micro. C'est bon. Non, non, mais j'ai changé de micro, mais l'autre s'est mis à fonctionner quand j'ai changé, tu vois. Et Théo, on te connaîtra désormais comme l'homme qui fait marcher les micros en moins de 5 secondes. C'est incroyable. Vraiment une prouesse, hein. On incroyable. Peut applaudir. Bravo, bravo. Attends. Voilà. Ah, il y a des applaudissements. Il t'aime, génial. Le public, c'est bien parce qu'on le fait rentrer comme ça, il rentre ici. Tout sort. À fait, ouais. Il y a 1000 personnes partir. Qui attendent dehors. Voilà. Barrez-vous. Attends, Tony. Oui, on vous paiera à la fin de la soirée. Ouais, parce qu'on a pas assez de bouffe pour tout le monde. Quoi. Tout à fait. Donc, si vous le voulez bien, on est parti avec la première improvisation qui a un titre pas très rigolo. Là, pour et si on le veut pas. Et bah, tu peux repartir chez toi. Oh, mais à pied, parce que c'est moi qui t'ai emmené, Anthony. Rappelle-toi. Donc, l'improvisation s'appelle Hotline 118-218 parce que ça existe toujours, le 118-218. Oh, pardon, j'ai mis un coup de coude à Théo. Et il y a des gens qui répondent aux questions des gens. On appelle pour avoir un renseignement, à peu près n'importe quoi. C'est pas pour avoir un numéro de téléphone, 118 Pas que. Pas que. Oh, avant, un service de renseignement. C'est les renseignements, donc tu peux appeler pour demander, je sais pas. Le temps qu'il fera demain. C'est ce par qui exemple. A remplacé le 12. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Tu sais, avant il y avait le Minitel, ensuite il y a eu ça, et ensuite il y a eu Wikipédia, donc plus personne n'a. Franchement, le Minitel c'était quand même vachement mieux. Hein. Bah oui. Bon. Oui. Surtout 118-218, c'est payant et c'est assez cher, je crois. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que sur le Minitel il n'y avait pas la musique. 118 tout à fait. Donc, je vais demander à quelqu'un de faire un. Eh ben, quelqu'un qui va répondre aux questions des gens. Donc, il me faut quelqu'un de très cultivé, de très très haut point sur tous les sujets du monde. Je n'ai personne dans le studio. Ah, Marc, se sent très cultivé. Ah, moi, je suis très culturé, écoutez, il n'y a aucun souci. C'est bien. On s'est tous regardés dans le vide avec les autres. C'est de la radio, c'est la magie du direct. Donc Marc, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler pour avoir des renseignements. D'accord. Et tu vas tenter de répondre à leurs questions. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire des recherches pendant qu'ils m'appellent ou je dois tout savoir tout de suite et répondre? Alors, garde à l'esprit qu'on est à la radio et que ça passe assez mal si tu devais chercher sur internet et il y a 20 secondes de blanc. Si tu vois ce que je veux dire. Okay. Je pense que ça passe assez mal tout court, même si t'es avec au téléphone avec la personne. Oui, tout à fait, mais bon... Parce que surtout que tu payes, hein, je rappelle. Oui, justement, c'est donc pour ça qu'il faut rester 20 secondes sans rien dire. Donc Marc, tu vas pouvoir faire mariner un petit peu tes clients pour gagner de l'argent, ouais. Parce que t'es payé à la com, a priori. Mais pas trop quand même pour le bien de l'improvisation. Bien sûr. Après, et, oui. Si t'arrives à faire un super bruit de machine à écrire ou de clavier, alors là, ça serait parfait. T'inquiète pas, j'ai un petit bruitage qui va très bien aller. Et donc vous autres, vous allez faire les gens qui vont appeler pour avoir des informations. Et vous êtes libre de faire absolument tout, hein, une mémé qui a perdu un mode d'emploi ou. Quand tu dis les gens, on doit tous porter le même prénom ou... Non. Okay. Vous appelez pas tous Jean, Anthony. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des accents. C'est le moment où tu peux te lâcher, Anthony. Je sais que tu es très féru de ce genre de truc. Ah oui. Donc vraiment, allez-y. N'hésitez pas à faire chier Marc. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Tout à fait. Formidable. Parfait. On y va pour Hotline 118 tout de suite sur Indestar. Ouais, merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. C'est la musique de 78. Oui. Ah oui, c'est... Donc je refais ma transition, excusez-moi. On y va pour Hotline 118-218. Allô. 118-218, bonjour, le service de radio qui répond à, tout vos, à toutes vos demandes. J'écoute. J'aurais une question pour vous. Qu'est-ce qu'on ira faire au paradis ? Alors, vous savez, il y a de nombreuses choses à faire. Il y a de nombreuses choses à faire au paradis. Notamment, il y a, Afro m'a dit, différentes balançoires à essayer. Alors, on a plusieurs modèles, notamment des balançoires à cardan souple. Donc, les balançoires à cardan souple, l'intérêt, c'est que ça fait aussi toboggan. Mais ça va être vous et moi ensemble. Ah, alors, sans vouloir être vexant avec vous, j'aimerais bien limiter au maximum ma venue au paradis. J'aimerais bien rester sur cette bonne vieille terre un petit moment, quoi. Comment t'appelles-tu, jeune garçon ? Alors, je pense qu'il est un peu trop tôt dans notre relation pour répondre trop à cette question. Trop tôt ? Écoute-moi, trop tôt. J'aimerais venir avec toi. Viens, on part ensemble au paradis. Ah, alors, si vous voulez aller simple au paradis, je vous conseille de prendre l'autoroute et d'y rester un petit peu, de faire une marche arrière et puis on se rejoindra là-bas. Hein. Très bien, je veux goûter à ces petites balançoires, moi aussi, avec toi. À plus tard, Trotto. Au revoir. Putain, elle est chelou celle-là. C'était l'âne Trotto. Ah, pas exactement. Trotto rigolo. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous appelle pour avoir un renseignement, un numéro de téléphone, plus exactement. Bien, je vous écoute. Quel numéro de téléphone vous souhaitez ? Ben, j'aimerais avoir le numéro du 118-218, s'il vous plaît. Ah, alors vous savez, c'est, ils sont un peu surchargés en ce moment-là. Je regarde mes collègues, ils sont tous au téléphone. Roger, arrête de boire le café. Bon, pardon. Oh, merde, qu'il y a la pause café syndicale, là. Ils sont tous surchargés. Alors, je vous déconseille fortement d'appeler 118-218 maintenant, parce qu'en fait, il n'y a personne qui va vous répondre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais avoir le numéro du 118-218 pour que je puisse les appeler, puis voir moi-même s'il y a quelqu'un qui répond ou pas, quoi. Vous voyez ? Michel, tu te souviens que c'est nous, le 118-218, là ? Il est con, lui. Bah oui, mais je veux pas qu'il nous appelle. Attends, il est un abruti. Bon, il va t'inquiéter. Fais le mariner, t'inquiète. Ouais. Alors, c'est très simple. Est-ce que vous connaissez le numéro des pompiers ? Le 2 ? Non, c'est le numéro 18. Le numéro 18. Attendez, je note. Hein. Alors, vous m'avez dit 18. Voilà. Alors, avec un F ? Avec un F, oui. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de prendre deux fois le numéro 18, mais de l'intercaler. C'est-à-dire de ne pas écrire 18, mais d'écrire 1-1-8-8. 1-1-8-8. Ok. Ça fait 1118. C'est ça, exactement. Et maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez le numéro de la police ? Le 3. Eh bien non, c'est le numéro 25. Numéro 25. 25. Donc à ce numéro, vous enlevez 4, qui est la moitié de 8. Est-ce que vous me suivez ? Non. D'accord, alors vous enlevez 4, faites-moi confiance. Ouais. Bah, ça fait moins 4. Voilà, et vous ajoutez le résultat entre les deux 8. Faut être mathématicien pour faire 118-218. Ah bah vous savez, c'est pas un numéro qui est donné à tout le monde, faut avoir fait de nombreuses études. Michel, hein. Michel, tu m'entends ? Ouais. Attends, tu sais ce que lui dit ? Tu lui dis, pour faire le 118-218, faut débrancher votre téléphone, monsieur. Ah, c'est pas con ça ! Vas-y, vas-y. Alors, monsieur, j'ai une technique beaucoup plus simple pour... Voilà, quand vous y mettez un pote du vôtre. Je vous invite à prendre votre téléphone fixe. Oui. À suivre le cordon. Oui. Vous allez arriver jusqu'à une prise électrique. Tout à fait. Eh bien, je vous invite à débrancher la prise. Et vous serez directement en contact. D'accord. Mais le problème, c'est que je appelle d'un portable. Ah, eh bien, alors je vous invite à mettre votre portable par terre et à sauter dessus à pieds joints. Vous êtes sûr ? Ah, ça va marcher à coup sûr. Ah, bah ça fera rien, ou c'est un 3310, hein ? Ah, bah oui, non, mais comme ça, en fait, j'aurai le temps de raccrocher entre temps. D'accord. Bah, je vais essayer, puis je vous rappelle à l'occasion. Très bien. Putain, il est con, celui-là. Allô ? Allô ? Ah oui, allô, bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, mon poisson rouge est mort. Ah, et c'est... je sais pas quoi en faire. Toutes mes condoléances déjà pour votre poisson rouge. Merci, il s'appelle Poupi. Alors, sachez que tout le monde porte Poupi dans son cœur ce soir. Ah, merci, c'est gentil. Une petite larme pour lui. Et alors, pour ce qui est de son enveloppe corporelle, si je peux dire, j'ai eu au téléphone tout à l'heure un internaute qui était d'origine asiatique et je pense qu'il pourra tout à fait s'en servir dans un buffet à volonté. Alors je vous invite à prendre contact avec lui pour... Non mais ça va pas. Non mais vous êtes sérieux là, genre mes poupies en sushi, c'est ça. C'est ça votre idée, bah, c'est ça. Écoutez, je pense que c'est quand mais même... Mais est-ce que vous avez déjà pensé au respect des poissons? Bah moi écoutez... C'est pas n'importe qui, en plus c'est poupie quoi, c'est vraiment un poisson hyper intelligent. Alors, je suis désolé pour votre poisson, mais moi, c'est ce que j'ai fait avec ma grand-mère et elle était très intelligente aussi. Non, non, non, non, non, non, non, non, mais, non, mais c'est pas comparable. Mon poisson est sûrement beaucoup plus intelligent que votre grand-mère, déjà, de 1. Et en plus, le truc de oh, les poissons rouges, ils y retiennent, enfin, ils oublient au bout de 3 secondes, c'est totalement faux, c'est un mythe. Voilà, je suis sûre que c'est un mythe. Il est plus intelligent que vous, apparemment. Ah, j'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez me le passer? Ah, bah non, il est mort, j'ai oublié. Est-ce que vous avez un autre poisson rouge que vous pourriez me passer pour faire un petit test d'intelligence? Bah oui, j'ai son frère, Gipsy. Ah bah je prendrais bien. Est-ce que je peux avoir Gipsy au téléphone, s'il vous plaît? Bah je peux vous le passer, mais il est pas très bavard en ce moment. Ah, il est pas très bavard? Bah c'est bien une preuve de qu'il est moins intelligent que moi, du coup. Mais c'est pas parce qu'il parle pas qu'il est pas intelligent. Certes. Pour ce qui est du cadavre de votre bah petit... de poupie, s'il vous plaît. J'aimerais bien un enterrement décent. Voilà, ce serait bien. Est-ce que je peux vous proposer une crémation pour le poisson? C'est-à-dire? On prend un barbecue, on le met dedans et voilà quoi. Ah non, mais ça va pas être possible. Hein. Ah, ça va pas être juste possible. Juste un barbecue comme ça. Où est la musique? Où sont les musiciens? Le cortège? Les invités? Alors, si vous voulez, on peut faire le barbecue du 14 juillet. Ah là déjà, c'est peut-être plus intéressant. Alors par contre, le problème, c'est qu'on est au mois de février, donc 14 juillet, le temps que... Ah oui, non, oui, non. Faudrait que ça soit... Qu'est-ce qu'on a dans pas longtemps? J'ai mon cousin qui fait sa bar mitzvah. Et dans ces cas-là, quel serait le rôle de poupie? Eh ben, le rôle de poupie serait en fait, vous savez, c'est un petit peu une fête. Et en fait, comme dans toutes les fêtes, on a des petites figurines à offrir aux enfants. Et je pense qu'offrir un poisson rouge mort, c'est tout à fait acceptable. Et ça ferait une seconde vie pour votre poisson poupie. J'accepte, mais à condition que je puisse ramener ma famille et tous les amis de poupie qu'on vienne. À la barbe? Oui. Écoutez, très bien, c'est parfait. Ok, on peut faire ça du coup, on peut voilà. Faire comme ça, c'est double, c'est pratique. Ouais. Double soirée. Double soirée, ça va être parfait. Okay. Bah écoutez, je vous contacte pour vous donner toutes les informations. Ok, bah merci. Bah de rien, merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée et encore toutes mes condoléances pour votre poisson. Merci, Poupie vous remercie. Eh ben Michel, putain, je pensais pas que tu prenais autant ton job à cœur. Hein. Attends. Non mais tu sais, moi les poissons rouges, c'est toujours été ma passion, surtout les cadavres en fait. Ouais, t'es con là. Allô? Allô? Allô? Ouais, bonjour. Est-ce que je peux parler à Monsieur Mur, s'il vous plaît? À Monsieur Mur? Ouais. Je suis désolé, mais il s'est cassé, il est plus là. Il s'est cassé? Ouais. Oh merde. Mais vous venez de me pourrir ma blague, là! J'en suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute s'il est parti du bureau. Si vous voulez, je peux... Il est parti du bureau? Oui. Bah comment votre plafond, il tient, alors? Grâce à des piliers. Si vous voulez, je peux vous proposer son cousin, c'est Monsieur Cassis. Non, mec, tu m'as dégoûté, j'ai retourné darker dans ma chambre. Eh bien, écoute, bonne soirée à toi. Oui, allô? Allô? Oui, j'aimerais des renseignements sur mes voisins. Je pense qu'ils ne payent pas tous leurs impôts et qu'ils ont des fortunes cachées. C'est très intéressant, mais du coup, c'est vous qui avez des informations à me donner, là. Ah non, non, vous êtes les renseignements, dites-moi combien ils ont, combien ils ont sur leur compte en Suisse, dites-moi tout. Alors, si vous voulez, je peux vous donner à la limite leur numéro de téléphone, mais je veux dire, le numéro de compte en banque, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, et ça peut se négocier, mais il va falloir mettre le prix, quoi. Mais écoutez, monsieur, je suis déjà en train de payer, vous rendez-vous compte à quel point ce service est payant? Ah oui, non, mais attendez, monsieur, il faut remettre les pendules à l'heure, parce que là, en fait, vous payez à l'entreprise, oui. Pas à moi. Oui. C'est quand même moi qui vous rends service, oui. Quand même. Oui, c'est ça. Donc j'aimerais bien, vous comprenez, recevoir une petite gratification pour service rendu. C'est bon, j'ai mis la carte devant le téléphone. C'est parfait. C'est du sans contact. Oh, parfait. Attendez, je vérifie ça. Oula, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme renseignement? Combien ils ont sur leur compte? Alors, je regarde ça tout de suite. Ils ont un nombre à 7 chiffres. D'accord. Est-ce que sa femme le trompe? Oui, avec Roger le boulanger. Je note, ça pourra me servir pour les faire parler et avoir un peu d'argent. Pour information, si vous voulez une vidéo, je peux vous envoyer le lien. Oh oui, je le prends tout de suite. Je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. Oh, c'est très intéressant tout ça. Ah, vous voyez que madame est bien souple. et que Roger le boulanger sait bien faire cuire les miches. Oh, vous êtes vraiment très fort, monsieur. À très bientôt. À très bientôt. Bon, Michel, tu prends un dernier appel et puis tu peux prendre ta journée après. Ah, merci. Non, je suis crevé. Oui, check, check, check. One, two, one, two, one, check. M'entendez? Ouais, ouais. Ouais, allô? Un, allô, deux, ouais, ouais, ouais. Test? Oui, oui, j'entends. Ok. Bah, c'est que ça fonctionne. Ah, bah ouais, ça fonctionne. Ah, plutôt bien. Bah vous, moi, merci du renseignement. Parce écoutez, de rien. Bah, je suis ingénieur du son, donc si vous voulez. C'est parfait. Bah oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez pas vérifier pendant qu'on y est que votre casque fonctionne? Donc, moi, je pourrais aussi parler et puis tester le micro que j'ai. Vous faites à gauche et à droite? Ouais. Allez-y. Alors, gauche. Ouais. C'est bon? Ouais. Droite. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Attendez, je règle le surround. Allez-y. Hein, allez-y, oui, maintenant. Je peux vous raconter une petite histoire. Faites de derrière à droite. Derrière à droite. Attendez, ouais. J'y vais. Allô. Ouais, voilà. C'est bon. Derrière à gauche maintenant. Ok. Allô. Ok. Et eh bah, c'est bon. Et eh bah, c'est parfait. Bah, écoutez, merci de votre appel. Et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, Michel, barre-toi, j'en ai marre de te voir aujourd'hui. Merci pour cette improvisation. Voilà, tu m'as presque fait regretter le temps où ça existait, ces trucs-là. On peut appeler pour dire n'importe quoi avec des gens et ils sont obligés de répondre, les pauvres. C'est triste pour eux, c'est drôle pour nous. Ouais, c'est pas un métier facile. Tu sais qu'en plus, au 118-218, si t'appelles et que tu demandes à ce qu'ils chantent la chanson, ils sont obligés de le faire. C'est presque, ouais. C'est trop bien. Attends, j'ai mon téléphone. Ils sont pas... Non, on va pas faire ça. C'est pas le but de l'émission. Ça coûte tellement cher pour ce que ça vaut. T'as quelqu'un au téléphone qui te chante 118-218. Bah ouais. J'avoue, ça peut être drôle, quoi. Mais genre, on se cotise, on est 5, là. On se cotise à 5. C'est bon. Ah non, moi, je cotise que dalle. Ah ouais, je te le chante si tu veux, y a pas de soucis. Ah, on va faire ça pendant la pause, justement. Avant de passer à la prochaine improvisation qui parlera de la résistance, on écoute Ross Mashup avec Bad Sunflower. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, on est ensemble jusqu'à 23h pour faire de l'improvisation scénarisée. Est-ce que ça va toujours dans le studio? Toujours. Oui. Formidable. Yes. Oui. D'ailleurs, je remarque, Théo, pardon, que tu as ramené un stylo pour éviter de me voler le mien, ce qui est très, très attentionné. Bah, d'habitude, il était là, je crois, devant moi. Ah, bon, ah d'accord. Formidable. Donc, on est parti avec cette improvisation dans une période sombre. Elle s'appelle... cette période, c'est 1942, c'est l'occupation. Ah, il n'y a plus de soleil. Oui, parce que c'est sombre, tout à fait. C'est une période... C'est pour ça qu'il y avait des films en noir et blanc. D'accord, je comprends mieux. Bref. Donc, on part dans cette époque d'occupation avec le personnage Marcel Dupuis, qui a 28 ans, qui est résistant depuis le début, et qui a volé une boîte de conserve. Ce qui en soi n'est pas grave, mais il a été arrêté par la police. Ah, okay. Ouais, sûrement des Allemands. Oui, voilà, la police allemande, tout à fait. Ah non, c'est la police allemande. Et alors, c'est un délit qui n'est pas grave en soi, mais la police allemande a des doutes le concernant. La police pense qu'il est mêlé à des affaires bien plus graves. Oh, bien plus sombre. Voilà. Il n'aurait pas volé une boîte de conserve, mais deux. C'est doublement plus grave, en effet. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de faire Marcel Dupuis, ou Marceline Dupuis, hein, bien sûr. Donc, qui veut faire ce personnage? Anthony Ouais, vas-y. Oh, oh bah oui, d'accord. Wow. Et dans la première scène, donc, ça va être l'interrogatoire entre Marcel Dupuis et le Bundesgeneral Karlsberg. Ça veut rien dire, Bundesgeneral. Je sais pas faire l'accent allemand, moi, personnellement. D'accord. Ah. Voilà. Je peux peut-être essayer. Voilà. De faire un truc. On a discuté un peu. Et Ariane, tu nous as vanté les mérites de ton accent allemand. Formidable. Ariane, en général. Donc, ton personnage, bien sûr, est très très rigide. Okay. Très autoritaire. Donc, il va essayer d'intimider Marcel Dupuis. Ce bon Marcel. Je vais encore jouer le bisu. Alors, c'est pas vraiment un bisu, Marcel. Hein. C'est un résistant, c'est un mec, il est... ouais, ça va, tranquille, quoi. Droit dans ses bottes. D'accord. Il est droit dans ses bottes, tout à fait. Et il a volé une boîte de conserve. Il a volé une boîte de conserve, tout à fait. Elle était à quoi, cette boîte de conserve? C'était des petits pois, pour petits éviter pois. Qu'on en parle beaucoup dans l'improvisation. Ouais. Voilà, je crève la tête tout de suite. Parce que je te connais, Marc. Bref, et donc, les deux autres, je vais vous demander de faire des personnages qui vont s'ajouter pendant l'improvisation. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mm-hmm. Donc, on se retrouve dans une salle d'interrogatoire. Marcel Dupuis est assis sur une chaise. Le Bundesgeneral Karlsberg Général Carlsberg, ça m'irait très bien si vous retenez pas la suite. Donc le général est en train de l'interroger, bien sûr, rapport à ce vol qu'il a commis, et ça va être parti. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Yes. Formidable. Alors je me trompe pas de bouton cette fois, tout va bien. À poser des questions. Redis-moi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle... Tu baisses les yeux ! Tout de suite ! Non, je baisse pas les yeux. Tu veux jouer à ça ? Je m'appelle Christophe. Tu veux que j'appelle mes supérieurs ? Tu veux, vraiment ? Ouais, vas-y, appelle-les. Christophe. Christophe, oui. C'est français, ça ? Christophe ? Christophe ? Tu veux que je chante des noms ? Tu veux que je m'appelle Jean ? Je m'appelle Jean, très bien. Ne joue pas le malin avec moi. Je peux appeler les gens, toute une armée si je veux. Eh ben vas-y, appelle-les les gens. Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que t'as sur moi ? Rien ? Mais moi j'ai une arme, et toi non. Et c'est ça qui fait toute la différence. Oui. À ce moment-là, le supérieur du général Carlsberg arrive dans la salle. Il est joué par Marc. Et il a un gros dossier sur Marcel Dupuis. Donc, les policiers savent très bien qu'il s'appelle Marcel Dupuis. T'as peut-être un pistolet, mais qu'est-ce que t'auras si je meurs ? Rien. Bonjour, Marcel. Enchanté. Regarde qui arrive. Je t'avais prévenu. Mon général, nous avons un petit dossier sur la personne qui est en face. Très intéressante. Vous voyez plutôt. On peut voir que il sait faire du vélo. C'est très important. Qui c'est, ce Marcel Dupuis ? Ne jouez pas le malin, monsieur Dupuis. Oh. Vous savez, on a des photos attestant de votre identité. On a retrouvé une amie d'enfance qui assure que c'est vous. Ah, c'est bien, vous avez des photos, une amie ? Ouh là là, j'ai peur. Et vous savez, avec cette amie, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Avec des amis, par exemple, on peut couper un doigt, couper deux doigts ou arracher des ongles. Vous savez... J'adore cette idée. Je ne vous crois pas du tout. Vous bluffez. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais aller dans la salle d'à côté et... Écoutez bien. Vous allez entendre crier. Ouais, ouais. Retournez dans votre salle. Mais c'est un chien que vous avez de l'autre côté ? Alors, êtes-vous satisfait ? Ou voulez-vous un autre doigt, peut-être ? Ah oui, allez-y, ce chien a l'air de souffrir, autant abréger ses souffrances. Voudriez-vous peut-être voir ce qu'il se passe dans la chambre d'à côté ? Oui, allez-y, libérez-moi, c'est une bonne idée ça, vous êtes très intelligent. Vous pouvez toujours courir pour qu'on vous enlève vos menottes. Ah, bah, ça si n'arrivera vous voulez que je... jamais. Avec Mais plus... venez donc avec moi, et on va aller voir à côté. Oh non ! Non, Martine ! Non ! Alors, non. Il était là pour une boîte de conserve volée à la base, donc je vous permets pas cette liberté de scénario. Je vais vous demander juste de revenir sur l'incident de la boîte, puis D'accord. après, les inspecteurs, je vais vous demander de le laisser partir. C'est parti. Alors, vas-tu avouer que tu as volé cette boîte de conserve ? Oh, ma pauvre chienne. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Ce sont des petits pois, qu'est-ce que vous voulez me faire ? Mais les petits pois, tu les as mangés ? Tu n'auras pas le droit de ration pendant 3 jours pour ça ! Un vol, c'est un délit grave. Vous envahissez en France et vous mettez la France. Vous nous affamez. Laissez-nous au moins manger, laissez-nous quelque chose. Nous amenons la paix de l'empereur. Et alors, les Romains ont envahi, ils avaient un empereur eux aussi, et alors, ils n'ont pas laissé les Gaulois dans la faim. Assez ! Nous n'aimons pas les lâches comme vous. D'abord, ça commence par une boîte de petits pois. Ensuite, ça se termine par voler des enfants et ensuite tuer des gens. C'est vous qui me dites ça, général ? Il me semble que vous n'avez pas une réputation très très bonne là-dessus. Et vous alors ? Que faites-vous dans cette salle si vous n'avez rien fait ? Je ne sais pas. Et vous pouvez me libérer d'ailleurs. Ouais, c'est ce que vous allez faire. Vous allez le libérer parce qu'il a volé qu'un truc. Et en effet, oui, vous lui supprimez ses bons de rationnement. Voilà, je vais vous laisser l'annoncer à Marcel. Écoutez, mein général, je pense que une semaine sans ration devrait lui suffire pour qu'il se souvienne de ne pas voler sa boîte de petits pois. Ça me paraît trop peu. Deux semaines. Intéressant. Je valide pour 2 semaines. Monsieur Dupuis, vous n'aurez pas de ration pendant 2 semaines. Très bien. Vous êtes... Je vais vous libérer et vous serez libre de partir. Allez-y. Les policiers libèrent Marcel et commencent à parler d'un sujet très important, ce qui est, qui est très important, qui est l'approvisionnement en armes que l'Allemagne doit recevoir. Il y a un convoi qui se dirige vers un entrepôt et cette discussion, Marcel va l'entendre. Voilà. Je vais vous demander de faire cette discussion, les Allemands. En allemand, surtout. Perfect. Comme vous voulez, faites ça en allemand ou pas. Attendez. Voilà. Mein General, nous devons parler d'un sujet grave. Was ist das? Vous savez, nous avons un convoi de sucreries qui devrait arriver de notre... Des sucreries, en effet, je vois. Voilà, qui devrait arriver de notre grande nation. Et qui vont arriver près du port. Près du port. À quelle heure? À quelle heure? 3 heures avant la pleine lune. 3 heures. Il faut absolument que ce convoi arrive à bonne destination. Sinon? Sinon, nous ne pourrons pas prendre part à l'attaque qui aura lieu dans 4 jours sur la Normandie. Très bien. Je prends note de ces informations. Marcel a entendu toutes ces informations et s'en va sur les chemins. Il rejoint le bar qui s'appelle le Galopin Unijambiste, qui est un lieu bien connu des résistants, et il va y retrouver ses amis Tony les Doigts de Fée et Dédé la Truande. Okay. Donc Tony les Doigts de Fée, ça va être qui? Ça va être toi, Yann? Théo, pardon? Non, je suis la Truande. Tu vas être Dédé la Truande. Dédé la Truande. Et il me faut un Tony les Doigts de Fée, comme vous voulez. Bah moi, si tu veux, je vais essayer. Fais Tony les Doigts de Fée. Et on est donc au bar le Galopin Unijambiste et Marcel va rapporter ce qu'il a entendu à ses amis résistants. Écoutez-moi tous. Bon, c'est plus Marcel. Salut Marcel, viens. On va se payer une tournée. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vas-y. J'ai une info importante. Les Allemands, ils prévoient de ramener plein de sucreries et plein, je ne sais pas ce que des c'est. Des sucreries, moi, j'adore les bonbons. Oh, mais oui, je pense qu'ils vont contrer leur problème de faim. Ils vont avoir plein de vitamines après en eux, plein de sucre, ils vont être hyper forts. Mon petit mama, tu penses pas que les sucreries c'est autre chose? Merci. Bon, tu sais, les sucreries, bon, je pense que c'est pas des bonbons. Mais je les ai entendus parler, ils parlaient de mais sucreries. Faut décoller, tu sais, ils sont comme nous les Allemands, ils codent. Moi je suis sûr que les sucreries c'est des femmes. Non, alors là je pense pas non plus. Moi je pense plus, plutôt, tu vois, c'est des trucs qui vont nous mettre bien profond quoi. Oh, ça peut être des armes. Oui, bah voilà, c'est à ça de trancher. Des trucs bien profonds, ouais, j'adore. Ils prévoient une attaque prochainement, ils vont avoir plein d'armes. D'accord, et ils t'ont dit quoi? Quelles sont les précisions qu'ils ont apportées? Je ne sais pas, ils m'ont juste dit qu'ils avaient besoin d'armes pour une attaque. Ils t'ont dit à toi? Oui. Ils sont cons, ces Allemands. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu... Ça, c'est une autre culture. Enfin, ils m'ont pas dit directement, juste parce que j'avais volé un petit truc de petits pois. D'ailleurs, vous pouvez... T'as volé des petits pois? T'as volé des petits pois? Non, mais... T'aurais pas pu tomber sur autre chose que des petits pois, genre du saucisson, des trucs qui sont mangeables, quoi. Mais filez-moi un peu de saucisson, d'ailleurs, j'ai plus rien à bouffer. Allez, viens bouffer. Alors, je n'avais pas prévu que les collègues de Marcel seraient aussi seraient aussi cons, et on peut le dire, je pense. Comment oses-tu ? Je te coupe ton micro là. Et donc, pour faire avancer l'histoire, je vais vous demander donc de fomenter une excursion dans cet entrepôt qui doit accueillir des quote unquote sucreries. C'est reparti. Bon, ben je crois que ça va être dans cet entrepôt là, juste. Et bon, on y va, tu sais, je suis prêt, ça fait plusieurs années que j'attends ça, mon petit. Il nous faut un plan d'attaque. Un plan d'attaque? Ouais. Bah, moi j'ai un plan de la ville, c'est déjà pas mal. Ah, bah, c'est déjà beaucoup. Bon, bah alors. Attendez. Moi j'ai une corde. Vous avez qu'à me livrer, vous vous déguisez en allemand, vous me livrez, vous faites genre. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais prendre l'accent allemand, toi? Non! Mais ma grand-mère, elle a des origines allemandes. Mais vous parlez pas, vous avez qu'à rien dire. C'est bien eux qui vont... Restez groupir, ça passe, toi. Oui, voilà. Pas pire. La réplique d'un film, tiens. Allez, on y va. Je vais vous demander de prendre le plan de Marcel, en effet, de le constituer prisonnier et d'aller le rendre aux Allemands qui sont dans le hangar, déjà. Et c'est reparti. Regardez-nous, je qu'on vous ramène. Lâchez-moi. Prisonnier. Lâchez-moi, je n'ai volé qu'une deuxième boîte de petits pois. Ah, une deuxième boîte de petits pois, il dit que c'est rien, lui. Bande de salauds. Oh, en temps de guerre, hein, ça vaut cher, ça. Hé, hey, ouvrez-les dans l'entrepôt, là, on va le faire rentrer. Et l'entrepôt s'ouvre et sort le général, Carlsberg, qui va accueillir la nouvelle et Marcel, du coup. Mais qui a déjà vu Marcel, donc il va falloir trouver une bonne raison pour laquelle, voilà. C'est reparti. Regardez mon général. Oh, mon général, c'est allemand. Général. Oui, bon, voilà. On vous ramène un gros paquet, là. Toi, comment oses-tu? Je ne t'ai pas déjà arrêté pour une boîte et tu as recommencé. Mais une deuxième boîte, mon général. Je n'ai plus rien à manger. J'étais obligé de voler une deuxième boîte de petits pois. Vous m'avez tout rationné. Eh bien, c'est parce que tu le méritais. Tu aurais dû mourir de faim plutôt que revenir ici. Exactement, il aurait dû mourir de faim. Alors ça, il aurait dû mourir de faim, hein, ouais. Je veux dire. Ah, de beaucoup faim. Mais du coup, on pourrait pas le faire rentrer? Parce que, a priori, il aurait entendu parler d'une... De sucrerie à l'intérieur et il a faim. De sucrerie? Oui. Bah, c'est ce qu'il a dit. Ouais, oui, oui, oui. Il a faim. Il a faim. Il a beaucoup faim. Et on s'est dit. Faut le mettre à l'abri, quoi. S'il y a des sucreries, on peut lui donner, quoi. Suivez-nous, mais vous restez à l'écart. Suivez-nous. D'accord. Vous n'avez pas besoin de tirer comme ça, général. Oh, tu crois ça? Juste pour une deuxième boîte de petits pois. Tu crois ça? Oui, votre supérieur m'a relâché la dernière fois. Cette fois, c'est vous qui allez prendre. L'équipe de résistance aperçoit que, hormis le général Carlsberg, il n'y a personne d'autre dans le hangar. Ils vont donc... Marcel va rompre ses chaînes fictives et ils vont se jeter à l'assaut de Carlsberg. Voilà. Je suis pas rap, moi. Mais dites-moi, Carlsberg, vous êtes bien toute seule ici? J'attends mes confrères, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Mais bon, pas avoir le temps d'arriver, c'est moi qui te le dis. Allez, c'est tout. Lâchez-moi, arrêtez. Regardez, général... je fais du trampoline sur son dos. Nine. Alors non, tu fais pas de trampoline sur son dos. Parce que c'est quand même... Bref, j'ai pas besoin de me justifier pour ça. Donc, Général Carlsberg est ligoté à une chaise et un dialogue va s'en suivre. Et ensuite, vous allez essayer de voir ce que c'était ces sucreries. Alors, Général... Lâchez-moi, sale con de français. Ils sont où les bonbons? Comment ça, les bobos? Nulle part? Bah, les sucreries, quoi. Mais non, mais t'as pas compris que c'était pas les sucreries? Bon, alors, tu nous dis où est la cargaison? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, ben nous, on voit très bien de quoi vous parlez. Je comprends pas bien le français. Oui, vous parlez peut-être pas bien le français, mais en tout cas, vous avez de la suite dans les idées, sinon vous en serez pas là. L'équipe de résistants aperçoit juste derrière Carlsberg une grande cargaison de caisses, à peu près 8 caisses qui sont emballées et protégées par une bâche. Et dites-nous, chercherez pour un chat, disons. Non, c'est des boîtes de conserve. C'est pour le rationnement des soldats. Ah, bah ça va faire plaisir à mon petit gars Marcel. Parce que lui, il adore les boîtes de conserve. Non, ça fait... Non, 2 semaines privées de rationnement, ça n'est pas possible. Oui, bah ouais, ça va pas être 2 semaines qui va être privées. Mais en tout cas, on va se ravisser à souvenir nous-mêmes. Allez, on est parti, on va ouvrir ça. Allez, soupe. Alors, fais-moi la maline, général. L'équipage... Enfin, les résistants ouvrent la cargaison et s'aperçoivent qu'il s'agit en réalité de sucreries. Ce sont des vraies sucreries, des bonbons, des chewing-gums, plein de choses comme ça. Et le général Carlsberg va avouer que c'est son péché mignon, qu'elle ne peut pas s'en passer. C'est pour ça qu'elle les a commandés. Oh, ouais, bah, des bonbons. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Laissez ça. Mais c'est qu'ils sont rudement bons. Oh, bah mince alors, c'est pas ce qu'on pensait, hein. C'est mes bonbons. Ça colle aux dents, c'est... Oh. Et qu'est-ce que vous faites avec des bonbons en France? Vous avez rien d'autre à faire? Haribo, c'est les leaders du marché allemand. Ah, ils sont venus là, maintenant. Eh bah, Léon... Et je pensais que vous étiez entre vous, hein, ce qu'on disait. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je veux bien les manger un petit peu. Laissez ça tout de suite, c'est pas pour vous, c'est pour moi et mes confrères qui vont arriver d'une minute à l'autre. Ah, vous avez besoin d'autre genre de sucrerie? On va vous les sucrer. Les sucreries. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû arriver, vos supérieurs. Ils sont en chemin. Bah, du coup, je vais aller faire le guet à la porte des fois qu'ils arrivent. Oui, bah, on va surtout prendre de la cargaison et puis on va s'en aller bien loin, c'est mon petit dire. Et puis maintenant, on va parler ensemble, général. Où est-ce que sont les vraies armes? Comment ça, les armes? Vous avez entendu parler. Oui, des sucreries, des bonbons, il n'y a pas d'armes. Alors, soit ils sont complètement rouges, les Allemands, soit on est, à mon avis, on va gagner la guerre à ce rythme-là. Mais sur ce, le général Carlsberg n'en peut plus. Elle avoue qu'elle n'a jamais voulu rejoindre les Allemands et qu'elle voulait juste des bonbons parce qu'elle aime ça. Donc elle va faire un espèce de petit monologue en demandant aux autres de la libérer, qu'elle n'a pas de mauvaises intentions, tout ça. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, de base, j'ai jamais aimé la guerre. Moi, je suis pacifiste. Regardez, je suis allemande, mais je parle français. Je suis pour l'amour de ces deux nations ensemble. Et moi, tout ce que je voulais, c'était juste manger des bonbons. Je voulais pas. Et toi, t'es arrivé, t'avais volé la boîte de conserve. Et j'étais obligée de t'arrêter pour ça, mais je voulais pas. Et s'il vous plaît, laissez-moi partir. C'est trop facile, général. Laissez-moi partir, j'ai rien fait. Moi, je pense qu'elle est sincère, la petite. Hé, les gars, il y a un camion qui arrive là-bas. Un canon ? Un camion ! Un camion ! Un camion ! C'était traumatisé, moi. On embarque la générale. On l'embarque ? On se barre d'ici. Oui. Oh, bah, elle fera bien le ménage à la maison. Ça, mais ça peut servir. Allez, c'est bon, viens. Allez, c'est bon, je vous embarque. J'envoie les boules. Là-bas, la petite porte, par derrière. La petite porte, suis-nous. Et donc, les résistants embarquent la cargaison de bonbons ainsi que la générale Carlsberg. Et ils se retrouvent au bar le galopin unijambiste pour faire le point sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait du général? Bon les gars, faut qu'on cause. On fait quoi de la petite là? On a 8 caisses de bonbons. Oui, bon ça on a réussi à la refourguer. Alors, c'est moi qui te le dis, par contre on fait quoi de la petite là? Bah je peux rester avec vous et on partage les bonbons. Bon, on va pas partager que les bonbons, hein, c'est... Oh si, bien sûr, on va partager les bonbons. On partage et vous me laissez partir. Ah non. Tu vas nous aider, toi, maintenant. Tu connais trop de choses sur notre organisation. Bah, je pense que tu connais plein de choses sur l'organisation allemande aussi. Tu pourrais nous les partager. Mais je vous ai dit, moi, je suis pas pour la guerre. Oui, mais vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, quand même. Ça peut nous servir. Oh. Ah, mais si, vous avez encore des contacts. Vous pouvez encore avoir d'autres cargaisons de bonbons. Allez, maintenant, vous faites partie de la résistance française. Ouais. Ouais, vu la résistance. Incroyable ce dénouement. Ce qui peut se passer dans une impro, c'est... C'était pas prévu. C'était pas prévu. J'avais prévu pas mal de scénarios, pas celui-là. Donc les sucreries qui étaient en fait pas des sucreries, qui étaient en fait des armes, mais qui en fait c'était des sucreries. C'était des sucreries. Non, c'était des sucreries. Hein. Ouais, ouais. Voilà, peut-être une belle parenthèse sur les sucreries et la guerre. Comment, oui, quelle morale on peut tirer de ce genre d'histoire? Je sais pas, je vais pas m'aventurer. Bonbons, pas des armes. Ah oui, voilà, merci beaucoup. Des bonbons, pas des armes, voilà, un truc à rappeler. Avant de passer à la prochaine improvisation, on écoute Ross Mashup avec Bad Sunflower. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, on est là, on est chaud toujours dans le studio, ça va? Ouais. Formidable, incroyable, quelle ambiance de ouf! Oh là là, on est reparti. Ouais, c'est dingue quand même. Tu peux redresser un peu ton micro, Marc. Ton mic, Marc. Bref, on est reparti avec une improvisation qui s'appelle les accros anonymes. Donc, il y a plein d'addictions dans la vie. C'est certaines qui sont dangereuses pour la santé et d'autres qui sont juste chiantes. Et c'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. On va donc se retrouver dans un groupe de parole qui s'appelle les accros anonymes. Il va y avoir donc un maître de conférence, un petit peu, qui va faire le thérapeute, faire des exercices pour que les gens abandonnent leur démon. Et va y avoir trois accros. Donc, il va y avoir un accro, ou une accro bien sûr, au jeu de mots nul. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de balancer des blagues de merde à chaque fois dans une phrase. Voilà, poil au bras, poil au nez, allez-y. Qui a envie? Je m'étonne de pas vous voir sauter, non? Ouais, je la prends. Marc prend, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne t'étonne pas? Adieu, merci. Yes. Il va y avoir. Bien sûr, Marc, c'est vraiment quelque chose qui t'affecte beaucoup. C'est-à-dire. Énormément. Ouais, ta famille n'en peut plus, ta femme s'est barrée, je sais pas ce qu'on peut imaginer, tu vois. De toute façon, sinon, il serait pas là. Hein. Même moi, si je pouvais, je serais pas là, de toute façon. Donc. D'accord. Ok. Non mais c'est mon personnage. D'accord, ok, pardon. Oui déjà. On va y avoir un accro aux jeux pour enfants. C'est-à-dire tout ce qui est billes, les POG, la marelle, les cartes Pokémon. Les adibou. Anthony. Vas-y si tu veux, ouais. Anthony, bah d'accord. Donc t'es accro à ouais, tous ces trucs-là, les billes, tout ça. Okay. Tu te balades toujours avec tes cartes Pokémon, tes billes. La marelle, c'est quelque chose qui t'a vraiment beaucoup affecté dans ta vie professionnelle. Tes collègues se foutent de ta gueule, tout ça. Si je peux donner un conseil aux gens qui n'ont pas encore de personnages, faut vous dépêcher de les prendre, parce qu'en général, Clément met les sombres bouses à la fin. En fait. Mais non, les meilleurs en premier. Le troisième, j'aime bien aussi. C'est un personnage qui est accro aux réunions pour les accros anonymes. Ah, genre il est là à chaque fois, mais... C'est ça. Son addiction, en fait, c'est les réunions. Et il ne peut pas s'en passer. Moi, j'aime bien. Ah ouais, non, mais vas-y, vas-y. Ariane, ouais. Ok. Donc, tu vas dans toutes les réunions. Réunions pour les alcooliques, pour les accros au café, pour les accros au jeu, pour tout, en fait. C'est vraiment ton truc. Tu ne fais que ça de tes journées. Et donc, ça te bloque, bien sûr, dans ta vie, parce que tu ne fais que ça que tes journées. Suis un petit peu, merde. Parfait. Et donc, du coup, Théo. Le maître de cérémonie. Je vais te demander de faire le thérapeute, okay. Tout à fait. Donc, tu as demandé d'abord aux personnes de se présenter. Il y a un petit tour de présentation au début. Et puis ensuite, je vais te demander d'improviser des petits ateliers, des petits jeux, confronter... Des idées. Confronter, par exemple, Anthony à un paquet de cartes Pokémon. Il ne doit pas l'ouvrir, des choses comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Yes. Formidable. On y va tout de suite. Ça s'appelle Les Accros Anonymes sur Indestar. Alors, merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous présenter. Vous pouvez vous lever. Allez-y, Marc. Bonjour. Je m'appelle Marc Imbut. Ouais, d'accord. Pardon. Vous savez... Est-ce que vous pouvez nous donner votre vrai nom, par contre? C'est important. Mon vrai nom? Oui. Bah, c'est Marqueur Feutre. D'accord, ça va être compliqué. Bon, allez-y, continuez. Du coup, c'est vrai que je vous avoue un peu que j'ignore pourquoi je suis là, parce que c'est ma famille qui a voulu que je m'inscrive ici. D'accord. Et je vous avoue que moi, je pense pas avoir de problème particulier ou particulière ou partenaire, quoi. Mais je comprends pas pourquoi je suis là. D'accord. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là. C'est parce que on vous a inscrit parce que vous êtes addict aux jeux de mots pourris. Voilà. Aux jeux de mots pourris comme les pommes? Exactement, comme les pommes pourries. Comme les pommes Donc, pourries. D'accord. On va y travailler. J'ai demandé à votre voisin de se présenter. Ouais, salut. Moi, c'est Rémi. Je suis... Enfin, moi, c'est ma famille aussi qui m'a inscrit parce que j'aime bien jouer au Pog, j'aime bien jouer au Hobby. Mon truc aussi, je fais beaucoup de concours cartes Pokémon, je suis hyper fort. Mais ma famille, ils trouvent que c'est pas terrible. Enfin, maintenant, j'ai 35 ans, ils disent qu'il faut que je change, mais moi j'aime bien, enfin, vraiment, je suis avec une bande de copains, là. On fait beaucoup de billes, je suis hyper fort. Ne vous inquiétez pas, vous êtes nostalgique de votre enfance. Nous allons en parler. Ouais, merci. Et enfin, merci, mademoiselle. Monsieur. Oui, bonjour, moi je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans et en fait je viens vous voir parce que j'adore les réunions, voilà, c'est ma passion, tout ce qui est alcoolique, anonyme, les drogués, ceux qui sont accros au tabac, vraiment c'est ma ça passion fait un tabac dans la chez vie. Elle. Là pour et le coup, vous êtes au bon endroit. Oui, et du coup ça me pose énormément de problèmes dans ma vie professionnelle. Je comprends. Parce que du coup j'arrive pas à aller au travail, quoi, ça m'ennuie, quoi. Donc je préfère venir ici. Est-ce qu'un travail à base de réunion, ça pourrait vous convenir éventuellement? Ah bah c'est parfait, hein. Ah, moi je suis réjouie d'être là. Ne vous réjouissez pas trop d'avance. On va commencer par un premier exercice, si vous le voulez bien. Marc, on va se concentrer, hein. Très bien. Vous allez essayer de nous raconter une petite histoire sans jeu de mots. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous demander juste, en l'espace de 15 secondes, de nous raconter une petite histoire qui ne comporte aucun jeu de mots. Vraiment. D'accord. Aucun. Allez, je vous laisse y réfléchir. Vous y allez maintenant. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. D'accord. C'était pas un... C'était une perdrix qui avait un fusil. Mm-hmm. Et du coup, elle s'est fait emplumer parce qu'elle a sauté. Ok. Et pourquoi elle a sauté? Parce qu'il y avait un monsieur avec un 4x4 qui lui roulait derrière. D'accord. Marc, bravo. Vous avez réussi cet exercice. Bravo, Marc. On peut féliciter Marc, on peut l'applaudir. Marc, t'es trop fort, Marc. Vraiment, je te respecte. Voilà. Il y a du monde dans la réunion. Hein. On va passer. Oh, j'ai réussi. Je te donne une carte. Tiens, vas-y. Oui, vas-y, alors justement. C'est ma préférée. Justement, Anthony, vous allez reposer les cartes que vous avez. Là, ouais, ouais, à côté. Moi, c'est Rémi, ouais. Oui, Rémi. Vous allez reposer les cartes un petit peu plus loin, d'accord? Ouais, je les pose à côté de moi, là. Et vous allez tenter de me dire ce que vous voulez faire professionnellement qui n'est en aucun rapport avec votre enfance. qu'est-ce que vous projetez de faire dans les années à venir? Quel est votre plan de carrière? C'est pas illégal d'avoir des rapports avec les enfants? Alors, Marc, c'est plus à votre tour. Hein oh. Vous écoutez Rémi, c'est important. Ouais, moi, ma passion, là, j'aimerais bien aller sur Côte d'Azur et devenir champion de pétanque. Parce qu'avec les copains, on s'est dit, vu que je suis bon aux billes, peut-être... Alors là, vous passez à la catégorie, je dirais, au-dessus, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Vous voulez pas carrément devenir champion de bowling? Ah non, le bowling, c'est pour les grands. Ouais, voilà, c'est peut-être un peu trop. Non, mais moi, je parle de la pétanque avec des boules en plastique, j'adore ça. J'en fais pas mal avec des amis. Et vraiment, ils se rendent compte que, vu mon expérience hobby, les boules en plastique en pétanque, je suis vraiment une bête. Parce que les boules en fer vous font peur. Ah non, c'est lourd, j'arrive pas à les porter. C'est lourd. Vous avez une défaillance physique? Ah non, mais. Qu'est-ce qui vous empêche de les porter? Ah bah c'est lourd, vous avez déjà porté une boule de pétanque. Oui. Bah j'ai malheureusement tué mon voisin comme ça, mais ça c'est. Ah, c'est les boules. Oui, merci Marc. Ouais, moi j'avais un calot, j'ai un calot que j'ai gagné à un concours. Vraiment il est lourd, mais je m'en sors bien avec. D'accord. C'est un premier pas, c'est bien, ouais, on avance, ouais. On progresse. Ouais, j'ai vraiment un gros projet professionnel. Déjà, je vais m'inscrire aux championnats du monde qui ont lieu sur le bord de la Côte d'Azur à Aix-les-Bains. Là, je vais gagner normalement. Normalement, ils sont petits, donc je devrais réussir avec les boules en plastique. Ma préférée, c'est la rose. Oui. Mais après, je lance la verte. Alors, pas sûr que ça fonctionne avec des boules en plastique, mais on va en reparler. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me citer trois métiers que vous aimeriez faire qui sont en rapport avec les réunions? Oui, alors j'aimerais bien être dentiste. Dentiste. Parce que tous les samedis matins, je vais à des réunions des gens qui sont accros au brossage de dents, qui se brossent les dents vraiment 18 fois par jour, et vraiment ça m'a émue. Je trouve que c'est une cause hyper importante. En tout cas, il manque pas d'hygiène dentaire, ça c'était. Ah non, vraiment c'est. Ah non, mais on rigole, hein, mais c'est vraiment très sérieux. Hein. Il y a des gens qui ont. Bah oui, il faut les brosser dans le sens du poil. Hein. Ah non, mais oui, c'est très précis. Marc rigole beaucoup, hein, vous avez remarqué. Un autre métier? J'aimerais bien peut-être travailler dans l'immobilier. Voilà, parce que... Faire du Monopoly, c'est trop bien le Monopoly, moi j'en ai beaucoup. Monopoly réel, alors attention, Monopoly réel, ça comporte des risques. Ah ouais, mais il faut les intégrer, Rémi. Si t'achètes 5 maisons, tu gagnes un hôtel quand même. Oui, ça marche pas exactement comme ça. On va en reparler. Parce que comme ça, je pourrais m'occuper de tous les gens que je rencontre, leur trouver des maisons, tout ça. Tous les mardis après-midi, réunion avec les SDF. Vous comprenez, moi, c'est pareil, c'est une cause qui me touche, quoi. Vous faites partie d'associations? Bien non, j'ai pas le temps, puisque je passe mon temps à aller à ces réunions-là. Donc, alors, non, mais je vous dis ça parce que dans les associations, on fait beaucoup de réunions. Mais des réunions qui sont, pour le coup, utiles. C'est-à-dire que vous allez faire partie d'un projet. Et peut-être que dans certaines de ces associations, vous pourrez trouver un contrat qui vous mènera vers une carrière professionnelle à base de réunions. Ah, mais oui, mais dans ces cas-là, il faudrait que je prenne du temps dans ma semaine. Sinon, il y a une autre possibilité. Est-ce que vous aimez voyager? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà songé à l'île de la Réunion? J'essaye de trouver des solutions. Eh bien, j'avoue que d'un point de vue uniquement lexical, c'est attrayant. Mm-hmm. C'est effectivement attrayant. Mais est-ce qu'ils font vraiment des réunions là-bas? Ah non. Par exemple, la République forcément. Démocratique du Congo, c'est trompeur. Oui. Comme nom. Effectivement. Donc, il faut se méfier. Non, mais il faut se méfier, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Mais rien que de l'idée de savoir que vous êtes à la Réunion, peut-être que ça vous soulagera. Bah, s'ils font des réunions de soins dentaires, des réunions toxico, SDF, tout très ça. Très certainement. Pourquoi pas. Mais je rappelle que l'objectif, c'est de trouver une carrière professionnelle. Je vais y réfléchir. Mm-hmm. Ouais. Je vais y réfléchir. Si tu vas à la Réunion, je te donnerai mon portable. Il faudra choper un Pokémon rare là-bas. C'est sur Pokémon Go. Je te filerai mon portable, il est vraiment très rare. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution. Et c'est la fin de la réunion. Et je vais vous demander, un an après un an de thérapie, de laisser un message vocal à votre thérapeute et de lui faire un petit compte-rendu de votre situation après un an. Est-ce que vous avez évolué ou pas? Est-ce que vous avez régressé? Est-ce que vous vous êtes fait d'autres addictions? Je vais vous laisser le soin de finir cette improvisation. On commence avec Marc? C'est parti. Allô? Alors, du coup, j'ai un petit message pour te dire comment ça se passe. C'est que, en fait, à force de vouloir changer et de vouloir rester moi-même, j'ai un peu développé une double personnalité. Et du coup, bah, là, moi, c'est... moi, ça va, mais par contre, l'autre, c'est vrai qu'il continue un peu à faire des jeux de mots. Et des fois, il prend le dessus. Et c'est pour ça, je me dépêche de finir l'appel, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Au revoir. Oui, allô, François, ouais, je t'appelle. Parce que, finalement, tu vois, ma famille, c'était vachement un peu dur avec moi, en me disant, il fallait pas que je continue là-dedans. Mais c'est bon, enfin... C'est bon, François, j'ai réussi. Je suis devenu champion Pokémon. Et maintenant, eh ben, je touche des millions. Enfin, j'ai vraiment touché le pactole. J'ai affronté les meilleurs au Japon. Enfin, là, j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Je suis en train de m'acheter vraiment un hôtel, comme je t'ai dit, les 5 maisons. Je les ai eues. J'ai l'hôtel maintenant. Enfin, je suis devenu vachement riche. Mais je pense, tu m'as vraiment aidé à comprendre un peu mon addiction. Merci beaucoup, François. Alors. Moi, je vous appelle parce que je vis ma meilleure vie, voilà, sur l'île de la Réunion, parce que j'ai rencontré plein de gens qui vont eux aussi à des réunions. Mais du coup, c'est des nouvelles personnes, quoi. Donc, non, les SDF, les toxicos, tout ça, j'ai arrêté. Maintenant, c'est des gens accros aux UV. Vraiment, c'est ma nouvelle passion. Je vais que à des réunions comme ça, mais c'est fou. Et j'adore, mais j'adore. Et les gens sont gentils. Oh, je crois que j'ai rencontré mon mari, hein. Vraiment, c'est génial. Je vis ma meilleure vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour je cette improvisation. Je vais penser à me reconvertir. Ouais, hein. C'est trop beau. J'avoue. La Pourtant, fin. Je me disais pendant l'impro que tu ferais pas un si mauvais thérapeute que ça. Ah ouais. C'est patient et tout. Ouais, enfin, demande très à quelqu'un patient. Qui est accro à la réunion de faire plus de réunions. Sérieusement. C'était bien trouvé, les UV. Et Anthony, ôte-moi d'un doute, il y a du Patrick Sébastien. Oh, oui, ouais, s'il vous plaît, allez. Attends, c'est génial. Ça va être l'anniversaire de quelqu'un, là. On va pas en fêter son anniversaire. C'est bien ce qui me semblait. Avant de passer à la prochaine improvisation, on écoute Alan B. avec Somebody Fit Sarah Michelle PW. On fait tourner les serviettes. Putain, c'est génial. On fait tourner les serviettes. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Tout à fait, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, une heure qu'on vous fait de l'improvisation scénarisée dans cette émission. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. Une Est-ce que ça va toujours folie, ça va toujours, Marc fait. Génial. Formidable, t'as fait des jeux de mots de merde, tout ça, c'est bon. Ah, c'était parfait. Quota pour la soirée. Ah, j'ai fait mon quota, c'est bon. Anthony, oh, là, un peu, hein. Anthony que c'est long. Ouais, attends, tu peux me la refaire avec ton accent de vieux. Que c'est long. Plus il est chaud. Plus il est frais. Qui suis-je? Le pain. Oui, c'est ça. T'as voulu m'avoir. Ariane, ça va? Bah oui, ça va nickel. Le général Carlsberg, il est toujours au chaud, c'est bon? Tout à fait. Formidable. Et Théo, toujours? Ouais, bah impeccable. Formidable. Est-ce que tu t'es senti pousser une vocation de thérapeute? Non. Ah, d'accord. Pourtant, t'as quand même eu de bons résultats. C'est vrai. Mais cette émission ne peut pas tout faire. Un sur pas donner 3, des vocations. C'est pas non plus. Attends, t'as quand même un champion Pokémon. Oui, c'est vrai. Bah, non, moi, mais... c'est quand même un bon résultat. Alors, comme quoi, on peut avoir un métier ludique. Hein, et... Donc, on rappelle que l'émission est toujours disponible en podcast sur le site d'indestar.fr ainsi que sur Spotify, Deezer. C'est quoi le troisième? Castbox. Castbox, sans doute. Oui, certainement. je confirme. Ah, d'accord, formidable. Et plein d'autres plateformes de podcast, donc c'est assez facile de trouver. Je profite de cette petite interruption pour vous parler d'un fait divers qui s'était passé en septembre dernier. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est pas encore l'hiver. Pardon. Non, ouais. Certes, merci Théo. J'aime bien ça. La zone 51 est une zone très secrète aux États-Unis. Il y avait un groupe Facebook qui s'était constitué. Le Naruto Run. Voilà. Où les gens avaient fait un groupe Facebook qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes. Et où le but des gens, en fait, c'était juste d'aller à la zone 51, à 2 millions, en se disant. On est tellement nombreux qu'ils pourront pas tous nous arrêter. Ouais, mais ils se sont dégonflés. Ils se sont dégonflés, il y en a eu que 2000 qui y ont été. Du coup, ils se sont fait arrêter. Ce qui est déjà pas mal, 2000. De ce que j'ai lu, un article de Paris Match, bon. Ils ont juste fait une fête, voilà, ils avaient ramené de la bière. Des choses dans Paris ils ont fait un barbecue devant la grille. Mais voilà, et oui. Avec les vigiles et les armes de guerre, tu vois, comme ça. Si vous voulez, je vous allume le barbecue, il n'y a pas de soucis. Et en effet, il y en a qui voulaient courir comme dans Naruto parce que ça évite les balles. Oui, c'est vrai. Donc c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine improvisation. Chouette. On va éviter les balles aussi. Faudrait mieux, ouais. Tu fais comme tu veux. Mais... En attendant, donc cette prochaine improvisation qui parlera de Zone 51, on écoute Tiffany Alford avec une cover de Next to Me. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h sur Indestar. Non, Indestar. Hein. Ça se dit Indestar, les copains. Qui a dit un? Qui a dit, ouais. Qui a dit un? C'est toi, Anthony? Non. Moi, j'ai dit Alain de Troyes, mais ça... Alain ça... Delon? Oh là là. Bon, la pire relance du monde. Bref, on est parti, donc vous l'avez compris, dans la zone, enfin, aux abords de la zone 51. Pour un petit barbecue. Aux États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Au Nevada, si je dis pas de conneries. Mm-hmm. Bon, bref, on s'en fout. Oui, c'est dans le désert du Nevada. Oui, hein, c'est ça. Donc, les personnages qu'on va suivre dans cette histoire vont être trois ados. Trois adolescents. Oh. Donc bon, alors encore une fois, j'ai fait un petit peu des clichés parce que c'est ce qui est rigolo, hein. Ne pensez pas que tous les ados sont comme ça. L'improvisation pourrait s'appeler le nerd, la brute et le peureux. En gros. D'accord. Donc vous l'avez compris, il va y avoir un perso de nerd, donc très accro à la science-fiction, très très calé en science. Hein. Il va y avoir un perso de brute. Comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, là même. Un petit peu con, mais pas vraiment méchant, voilà. Un peu bourru. Quelqu'un d'un peu bourru. Et il va y avoir un personnage de peureux. Quelqu'un qui a à peu près peur de tout et de la vie en général. Et donc, voilà. Ok. On va se retrouver dans la chambre du nerd, où ses amis sont venus le rejoindre. Et il s'emmerde. Techniquement, le début de l'improvisation, ça va être ça, il s'emmerde. Comme ça va vous permettre de faire jouer un petit peu les personnages. Peut-être mettre un petit background. Déjà, si tu veux jouer le personnage, le nerd, il a pas d'amis. Alors si, mais si. Oh, c'est cliché, ça, c'est cliché. Oui, bah, tu m'excuseras. Alors c'est méchant, c'est cliché. Il y a cliché, des amis qui n'aiment personne. Faux, parce que bah, là, ils sont trois. Et en plus, même dans les films, ils ont des amis, les nerds. Ouais, ouais, t'as des amis nerds. Bah ouais, mais quoi, ça compte pas. C'est ça, Marc, que tu dis, ça compte pas. Ils restent entre eux. Tu es affreux, enfin. Non, oh là mais je dis ça, je le suis, donc... Marc sera fusillé à la fin de l'émission. N'ayez crainte, cher vous retrouverez vous retrouverez les images et la vidéo sur... C'est ça. Sur Twitter, Instagram, YouTube. On verra ce qu'on fait. En podcast. Donc, bref, la première scène, c'est ça. Ils s'emmerdent chez le nerd. Quand, tout à coup, ils vont tomber sur l'événement Facebook dont je parlais tout à l'heure. Trop bien. Et ils vont décider d'y aller en avance. Parce que, bien sûr, ils vont se douter que tout le monde va y aller en même temps, que la sécurité va être augmentée. Donc, ils se disent, les gars, c'est maintenant ou jamais. Voilà le fil conducteur. Okay. Très bien. Tu n'as pas dit qui faisait quoi? C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ce serait peut-être je une bonne idée. Cette émission. Oh, je m'en serais aperçu. Donc, qui veut faire le nerd? Moi, je suis pas, contre. T'es pas contre? Ouais. Est-ce que t'es pour ou pas? Je suis pas contre, quoi. Donc, allez, puisque tu n'es pas contre, tu vas faire le nerd, Théo. La brute, j'ai besoin d'une brute. Oh ouais. Anthony, refais-moi ta voix de brute, là. Ouais, c'est moi. Formidable. Et il va y avoir un peureux. Ah, oui. Moi, je veux bien le cœur. Ah, d'accord. Ouais. Formidable. Et moi, je suis fusillé sur ta... C'est ça. C'est pas réveillé. Non, bah Marc, comme d'habitude, non, tu feras un autre perso. Je te garde en stock. Et zone 51 des aliens, c'est bon. Ouais. Zone 51, stock. D'accord. C'est un entrepôt. Donc, l'improvisation s'appelle Zone Pastis 51, bien sûr. Ah oui. Forcément. Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, si tu veux. Et j'avais pas grand chose. Bref, Zone Pastis 51 sur Indestar. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est parti. On se retrouve dans la chambre du nerd où tout le monde se fait à peu près chier. Oh, on fait quoi aujourd'hui, les gars? Bah, je sais pas. Bon, je sais pas, on peut faire un foot. J'adore le foot. Oh non, on peut faire un foot. Regarde ce que j'ai trouvé sur internet. Oh, c'est quoi ça? C'est un dessin animé là? Non, mais regarde, je zappe sur Facebook là, regarde. Oh! Oh! C'est quoi ça là? C'est quoi ce truc là? C'est bizarre. Zone 51. Oh, c'est un truc de ouf ça. J'ai vu des reportages là-dessus. Tu connais pas Zone 51? C'est quoi Zone 51? C'est la 51ème zone là? C'est où ça? Non, c'est, je pense, c'est au milieu du désert, tu vois, et t'as des extraterrestres qui sont arrivés à un moment donné. Il s'est passé un truc de ouf, c'est-à-dire que les extraterrestres ont fait des opérations dessus, tu vois. Et maintenant, en fait, tout le monde est extraterrestre. Mais non! Mais si, je te jure, c'est un truc de malade, on a développé des technologies de ouf. C'est horrible! Oh, mais faut les buter, moi, dans les jeux vidéo, les extraterrestres, je le bute. Tu prends un extraterrestre, tu le tues. Mais non, faut pas les tuer, faut en capturer un. Hein. Ça serait trop bien d'en capturer un. Hein. Mais c'est méchants, les extraterrestres. Mais t'imagines, ils sont méchants, les extraterrestres. Moi, je kifferais avoir un extraterrestre dans la piole, tu vois. En plus, regarde le dressing, on pourrait le mettre dedans. Tu vois, t'as vu le film E.T.? Mm-hmm. Oh non. Mais c'est trop bien, le film E.T. Téléphone, maison et tout. Mais si ça se trouve, les extraterrestres, ils sont méchants, ils sont pas comme ça. Mais non, ils sont trop pas méchants. Ça se trouve, ils vont nous manger. Mais dans Halo, qui nous mange. Dans Halo Combat Evolved, tu tues les extraterrestres. Arrêtez les gars, les extraterrestres c'est trop bien. Et regarde ce qu'ils disent, on pourrait aller là-bas. Oh, mais t'es fou. Oh, on y va. Attends. Ah non, moi là-bas. Moi c'est mort, j'y vais et pas. Et on capture un extraterrestre. Allez, on y va. On y va, vas-y. Non, c'est mort. Non, de toute façon, on a rien d'autre à foutre aujourd'hui. Allez, me fais pas ton relou là, viens, on va à la zone 51. J'ai demandé aux deux autres qui ont bien compris que la peureuse ne voulait pas y aller de prétexter une autre raison à un voyage en bus. Vous allez lui faire croire que, je sais pas, vous l'emmenez à Disneyland ou n'importe où et vous allez faire vos affaires aussi. En plus, j'ai vu un truc, c'est que on va aller dans le désert simplement. T'aimes bien le désert, toi ? Bah non, y a personne. On t'aime bien le dessert. Eh ben c'est pareil, tu vois, sauf qu'ils ont, ils manquent un. Bref. Oh, vas-y, je prends ton nounours. Si tu veux récupérer ton nounours, tu viens. Et comme ça, mais on va faire un petit voyage dans le désert, tu vois, ça va être sympa. Ok, mais est-ce que je pourrais appeler maman? Pourquoi tu veux appeler ta maman? Bah, au cas où il y a un problème, moi je veux que je puisse appeler maman. Je suis connecté. Donc t'appelleras maman? Oui, j'appellerai maman. Bon. Allez, on y va, les gars. Allez, vas-y, je conduis. T'as pris ton sac à dos? Oui, j'arrive, je vais le chercher. Attends, je vais prendre des pimps. On est parti. Alors, vous êtes parti, mais Anthony, tu ne conduis pas parce que vous êtes des ados. Et voilà. On m'a pris toute la voiture. Et vous allez prendre le bus. Aux États-Unis? Oui. C'est plutôt le permis. Pose pas de questions, il y a un bus va vers la zone 51. T'as l'arrêt zone 51. Okay. Yann, Théo, je te demanderai de ne pas mettre à sec mon scénario. C'est parti, on est dans le bus. Il y a de la musique dans le bus. Oh, c'est super long, on arrive quand là? Ça fait 3 heures qu'on roule. Oui, en plus, c'est même pas la climatisation. Mais on arrive bientôt, regardez les gars. Regardez mon GPS, on est tout proche. Prochain arrêt, zone 50. Bah, c'est pas celui-ci, c'est celui d'après. Attends, mais je pensais que. Non, mais c'est le numéro de l'arrêt, c'est tout. Oui, bah, t'es le désert. Sûr. Oui, on va faire un petit arrêt dans le désert, tu vas voir. On va aller rencontrer des nouvelles personnes, ça va être top. Les nouvelles personnes. Ouais. Mais elles sont gentilles. Mais trop bien. C'est des amis à toi? Ouais. Au pire, on les tape si elles sont pas gentilles. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais si, tu tapes. Pas taper des gens. On va pas taper mes amis. Bah, moi, je les tape. Tu me dis, tu tapes, je tape. Par contre, tu diras rien s'ils sont un peu fringués bizarrement, d'accord? Prochaine arrêt. S'ils sont un peu verts. Zone 51. Ah, c'est bon, on y est. Bon. Tiens, je te rends ton nounours. Eh ben, on va descendre là. Regardez terminé. Comme c'est trop beau. C'est trop beau. C'est grand. C'est énorme. On s'imagine pas, même sur mon poster dans la chambre, c'est pas si grand. Allez, on y va. Allez, vas-y. C'est qui les mecs là devant là? Il y a plein de monde. Les gars, non, venez, on y va pas, je le sens pas là. Mais si, c'est mes copains, ils habitent là-bas, regarde dans la base. Mais ils ont pas l'air gentils, tes copains, ils sourient pas et tout. C'est pas parce qu'ils sourient pas qu'il faut. Tu sais, c'est des personnes qui sont belles de l'intérieur. Faut aller les voir, faut leur parler. Au pire, on les tape s'ils répondent pas. Alors, Anthony, attends, les personnes à qui tu penses, c'est les runners? Ah non, moi je pensais aux gardes. Ah d'accord, les gardes. Tu veux aller voir les gardes pour leur. D'accord, demander d'entrer. Ok, oui, c'est ça. Oui. C'est parti. Bon, on y va tranquille parce que, tu sais, c'est comme dans une boîte. Il y a des vigiles. Allez, on essaie de marcher normalement. Oui. Vous allez devant, hein. je vais derrière. Mais viens avec nous, tu vois, ça va tranquille se passer. Mais tu fais trop louche là. Reste derrière, mets-toi avec nous, on fera moins louche. Eh monsieur, bonjour, monsieur. Halte là. Veuillez déclarer votre identité, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Alexia. Ça s'appelle Thérèse. Alexia. Chut. Thérèse. Oui, voilà, c'est ça, Alexia Thérèse. Alexia Thérèse? Ouais, moi c'est Brian. Brian? Ouais. Moi c'est Michael. Michael? Oui. On vient tuer les extraterrestres là parce que c'est des méchants. On vient rentrer faire un petit tour, voir comment ça se passe. Je suis vraiment désolé, mais il faut que vous sachiez que l'entrée est interdite au public. Oui, mais alors nous on n'est pas vraiment le public. Nous, on s'intéresse vachement à tout ce qui est subconscient, inconscient, extraterrestre aussi. T'as pas un stage de 3e pour nous, là, donc on peut rentrer Non, malheureusement, moi, vous savez que je m'intéresse vachement à la sécurité et je peux pas vous intéresser. Ah non, mais on comprend, monsieur, on comprend, on va s'en aller. Ouais, on va aller faire le tour, on va trouver une autre entrée. C'est ça, on va faire le tour. Alors, faites très attention parce que le grillage est électrisé. Ouais, t'inquiète. Ah oui, non, mais y a pas de souci, on s'en va, monsieur. Aucun problème. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors les gars, va falloir élaborer un plan stratégique parce que va falloir qu'on rentre par une autre entrée. Oh là, regarde. Mais t'es fou, mais non. Attends, j'ai mais tout prévu. Il a dit le grillage, il est électrisé. J'ai ramené en plus des pimps. une fusée. Mini fusée, si on s'attache tous à notre sac à dos, on tire la fusée, normalement on s'envole tous, on atterrit directement à l'intérieur. Et là, on peut, rentrer par le trou là qui est juste ici là. Ah bah aussi. Ah bah voilà. Ah bah oui, on peut faire ça. C'est dommage parce qu'on testera pas ma fusée sac à dos. Oh t'inquiète, mais ta fusée, on va la lancer sur les gardes, on va les tuer là. Allez, allez, on rentre. On passe au grillage. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, Yo? Pas sûr que tu rentres, toi. Attends, allez, tire-moi. Vas-y, tire-moi. Putain, mais. Bon, ça va. Ah, c'est bon. Les adolescents aperçoivent juste devant eux un hangar qui n'a pas l'air fermé. Alors ils entrent dedans. Je pense mes copains, ils sont là-dedans. Wow. Non, les gars, je le sens pas, mais là. Mais si, t'inquiète. C'est hyper grand. Ouais, attends. Oh, c'est plus grand que la chambre de mon papa. Ah bah, attends. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. C'est quand même un peu vide, hein, pour une zone censée habiter par des êtres supérieurs. C'est quoi cette musique? Enfin non, par des copains, je veux dire. C'est quoi la musique? Pourquoi vous interrompez mon karaoké? Il y a un monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un extraterrestre? Oui. Quoi? Oh, je te tape. Non. Vas-y, laisse-moi le taper. Non. Mais je souhaite juste chanter. Laissez-moi chanter en paix. Ce qui est drôle, c'est que vous chantez. Laissez-moi chanter. Ah oui. Vous voulez envahir le monde, là? Vous voulez... Tu veux taper mes parents ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais ici, là? Non, en fait, il se trouve que je viens de la planète Zabala. Et que sur cette planète, il y a de nombreuses personnes qui s'ennuient. Et j'ai ouï dire que sur votre planète, il y avait de nombreux très bons chanteurs. Et donc, je voulais ramener un peu de cette culture musicale chez moi. Qu'est-ce qu'il dit, j'ai ouï dire? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe trop pas, t'es ringue, mec. Brian, je pense qu'il nous entube, là. Tu nous engraines. Je pense qu'il va envers la planète. Est-ce que vous connaissez des chansons? Ah ouais. Tu connais Aya Nakamura? Donc face au manque d'intérêt de cette supposée extraterrestre, l'équipe aperçoit juste au sol une trappe qui a l'air de descendre. Mais tu connais mon poing dans ta gueule? Tiens! Mais t'es malade! Regardez les gars, il y a une trappe. Et voilà, j'ai tué un extraterrestre. Oui. Oh, non, mais faut pas y aller. Faut pas non, y mais aller, je pense qu'on va tenter. Regarde, vas-y, passe la première. Tu vas voir. Ah! Bon, vas-y, passe la dernière, j'y vais. Non, me laisse pas toute seule. Bon, bah alors passe là entre les deux. Hop. Allez, vas-y, saute maintenant. Allez, oh, hop. Oh, c'est haut. Mais bon, les gars, venez. Oh, c'est une sacrée descente, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, regarde toutes ces diodes. Ils ont mis des diodes partout. Oh, mais ça brille de partout. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, attends, je vais toucher un bouton, là. Non, appuie pas, c'est un bouton rouge. Ah. Oh. Ah bah là, on est descendu encore plus bas. Oh bah, je m'attendais pas à ça. Il fait tout noir. Je vois rien du tout. Attendez, les gars, j'ai ma fusée. Oh oui. Alors, l'équipage trouve le bouton de la lumière et avance dans une salle qui ressemble à un immense ordinateur. Ils vont essayer de comprendre à quoi sert cet ordinateur. Ouah, trop bien! C'est un multiplex 1664 XS! J'adore! Attends, comment ça s'allume? Non, appuie pas! Si. Appuie pas! Quand à l'écran apparaît un extraterrestre qui vient d'une autre planète et qui a l'air de menacer les terriens. Il parle pas ça. J'avais oublié de mettre le traducteur, excusez-moi. Je me dois de vous prévenir que nous allons lancer une attaque imminente sur votre planète à base de bombes protoniques à ultrasons supérieurs et que d'ici une dizaine de petites heures, votre planète ne sera plus. Mais au revoir, cool, bisous. Mon frère, mais non, mais reste là, mec. Pourquoi tu veux nous anéantir? On est trop bien ici. Oh putain, il veut tuer papa et maman. Vas-y, t'es où? T'es où en forêt, là? Je te pète la gueule. On va tous mourir. Actuellement, je suis sur mon vaisseau spatial, donc hors de portée de vos petits bras. Mais pourquoi vous voulez pas venir à la maison? En plus, ma mère a fait des trop bonnes tartes aux pommes. Psst, Brian. Oui. Ta fusée. Ah oui, la fusée. Ta fusée. Chut. Mais vous savez... en fait, si je veux détruire la planète, c'est simplement parce que il y a une conjoncture actuelle dans chez moi ouais, qui fait qu'il y a deux. Ta conjoncture, elle est finie, mec. Alors, la fusée ayant donc été lancée à l'intérieur du souterrain. On est con. Mathéo, ouais. Les ados sont très mal en point, il y a de la fumée partout, c'est irrespirable, donc ils vont essayer d'aller dans une autre salle. Mais t'es bête! J'ai perdu la communication avec vous, est-ce que vous êtes au courant que vous allez mourir? La base VPN a été mise à jour. Ils ont même un vaste dans la zone 51, trop bien. Les ados donc se réfugient dans une autre salle où il y a au milieu un immense vase où est un petit extraterrestre étrange. Oh, E.T. Qu'est-ce que c'est ça? C'est E.T. Oh, mais c'est, il est tout petit, c'est pas lui qui va envahir la planète. Hein. E.T. Junior, bonjour petit gars. Non, t'approches pas de lui. Mais si, mais c'est inoffensif ces trucs-là. Pour rien. Salut petit gars. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais. Ouais. Tu veux un Pimps? Ah ouais, j'ai bien un Pimps, hein. Tu fais quoi, là? Ah, merci. Ah, non. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es arrivé sur Terre, là? Ouais, mais j'ai faim. Ouais, tu veux détruire la planète, c'est ça? Ouais. Tu veux mais non, mais moi, vous me nourrissez, je vous dis oui. Et je te crois pas, tu veux détruire la planète. Tu veux venir avec nous chez ma maman? Elle fait des trop bonnes tartes aux pommes. Ouais. Tartes aux pommes? Ah ouais, trop bien. On va l'emmener à la maison et on va le mettre dans le placard. Oh ouais. Et alors, vous vous souvenez que vous avez déclenché la colère d'un extraterrestre? Ah oui. Vous pouvez lui demander s'il peut pas faire quelque chose là-dessus. Éventuellement. Et sinon, au sujet de la planète qui va être détruite par ton con de père. La planète va être détruite? Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour pas tous exploser? Ah bah, il y a bien quelques moyens, ouais. Ouais, alors si tu trouves pas le moyen, je te pète la gueule, t'es d'accord? En fait, c'est simple. Mon papa, il a une ouïe très fine. Et s'il y a des gens qui chantent très faux devant lui, eh ben il va mourir. Moi aussi, j'ai une ouïe. Une Nintendo. Ouais, trop bien. Eh, on pourra jouer ensemble. Ouais. Mais par contre, si tu nous disais comment on peut faire pour pas que la planète explose. Si tu sais pas chanter, tu chantes et voilà. Suffit de chanter. Alors, les ados ont un éclair de génie. Oui. Le maître, tu vois le... J'ai pas osé faire en sorte que la brute le dise parce que je me suis dit que... 20 minutes plus tard, il ramène le mec qui chantait très mal, qui est peut-être un extraterrestre d'ailleurs, devant le panneau de commande. Et ils vont rentrer en contact avec le méchant extraterrestre. Marc, tu joues 3 personnages dans cette scène. Ouais. Bon courage. Alors maintenant, toi, tu chantes. Sinon, je te pète la gueule, t'as compris? Bah écoutez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je chante? Oh, chante les années 80. Les années 80. Non. Une chanson des années 80, il y a toujours ça. À la fête de fin d'année, ça cartonne. Genre les démons de minuit. Il m'entraîne, voilà. Au bout de la... Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Une chanson affreuse, bon. Jusqu'au bout de la nuit. Mais que faites-vous? Éteignez ce micro. Enchaîne avec Alexandrie et Alexandra. Alexandrie, Alexandra... Ah, je me mords. Alexandra, il m'entraîne, voilà. Au bout du phare d'Alexandrie. Ah. Et toi, le petit extraterrestre, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoutez, mon papa, il est mort. Mais arrête de chanter, toi. Oh non, le pauvre. Je suis devenu orphelin. Ah oui, non, mais nous, t'es avec nous maintenant. Tu fais partie de la famille. Vous vouliez être mon nouveau papa et ma nouvelle maman? Ouais, oui. Carrément. Oui. Chouette, rentre dans le sac à dos. Oui. Incroyable cette improvisation. Est-ce qu'on n'est pas tous super gentils à chaque fois à la fin des impros? Si. C'est vrai. Mais en même temps, sinon, ça fait des dénouements. Comment dire? Ouais, faut pas qu'on fasse une mauvaise fin, sinon les gens attendent la suite. Ouais. Non, techniquement, il pourrait y avoir une suite là. Oui. Merci beaucoup pour cette improvisation. Incroyable. Oh, pas de problème. Que le karaoké chantait très faux et très mal. Exactement. C'est ça qui a sauvé la planète. Chose. Respectez les chanteurs, tous les chanteurs sous la douche. Avant de passer à la prochaine improvisation qui sera l'avant-dernière, on écoute Nina Attal avec sa chanson I've Been a Fool. Alors respect. Ouais, tout à fait, respect. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Tout à fait, 21h-23h, c'est bientôt fini, hein, mine de rien. Oh non, ah, tristesse. Si, mais je tease la fin de l'émission pour éviter d'avoir les habituels sanglots de fin d'émission. Vous faites bien les sanglots? Ouais. C'est des plus beaux sanglots que j'ai jamais vus. Pourtant, j'écoute des compiles de sanglots tous les jours. Sanglots longs, des longs, des violons, de l'automne, il y a un truc comme ça. Oh là là, on dit donc envolé lyrique de Théo. Donc, on part dans un décor un peu lyrique, non, pas vraiment. S'il s'agit d'une maison de retraite. Pas du tout lyrique. Donc, Anthony, tu as fait des vieux toute la soirée, tu vas pouvoir refaire un vieux. Oh cool. C'est mon personnage préféré. Il y a toujours des vieux dans tes histoires, Clément. Je comprends pas. Non, ça c'est Merlin. Dans les histoires, je sais pas, mais dans les maisons de retraite, oui, par contre. Oui, c'est Perceval. Non, c'est pas Merlin. Oui, c'est Perceval. Oui, c'est Perceval. Oui, tout à fait. Donc, on part dans une maison de retraite qui est un petit peu particulière parce que à l'intérieur de cette maison, il y a une mafia. Ah, oh. Mafia. Un vieux italien. Mon rôle. Formidable. Donc une mafia, donc des mafias de vieux. Donc les mafieux vieux vont récupérer les madeleines, tout ce qui a un petit peu de valeur. Vous voyez des petites choses des à la con, en plastique. Des petites figurines, des fourchettes en plastique. Ah ouais. Les vieux mafieux donc, mangent les madeleines. On dirait un exercice de diction. Les vieux monsieur mangent le chemin. Ah ouais, t'as raison. Que j'ai raté. Donc en gros, c'est un petit peu la guerre des boutons, mais dans une maison de retraite. Mmh. Okay. Avec des disputes sur des choses ouais. stériles. Très bien, mon flamby. Il a volé mon flamby, alors du coup, je lui pète le genou. Bon, des choses comme ça. C'est la détente. Enfin, je lui pèterais le genou si j'avais encore les moyens si de le faire. Si j'avais la force de. Ah, je lui pète sa roue. Voilà, je lui mets des bâtons dans les roues, quoi. Tout à fait. Donc, on va avoir plusieurs personnages. Alors, il y a un parrain ou une marraine de la mafia. Qui veut faire le parrain ou la marraine de la mafia ? J'ai l'impression qu'Anthony est bien chaud. Hein. Anthony est chaud ? Anthony ? Ouais. Attends, je trouve mon accent. Ouais, je trouve. Je te laisse chercher. Voilà, il va y avoir un couple de vieux, ouais, tout à fait. Ah oui. Qui veut faire le couple de vieux ? Tu peux faire le monsieur ? Ok, je fais. Je fais la dame. Ariane et Théo, c'est ça ? Ouais. Yeah. Ok. Et donc, Marc, je vais te demander de faire. Le reste. Non. Non, je vais te demander de faire un sbire du parrain. Okay. Voilà, donc un sbire, tu vois, tu vas te sbirifier, tout ça, la sbirification, bon, bref. Oui, patron. Donc. Juste pour savoir, le sbire, il est vieux ou. Ah oui, bah oui. Oui, c'est un sbire de maison de retraite. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Et au besoin, je ferai l'assistante de santé pour. Tu vas faire je pense qu'Anthony a trouvé son accent. Ah oui. Tu vas venir changer mes bandages. Je ne le dévoile pas tout de suite. Ouh là là. Donc la première scène va se passer au réfectoire avec les quatre personnages assis à la même table. Le parrain va bien sûr jouer de son autorité pour faire asseoir sa domination, peut-être voler des choses. Et le couple va pour la première scène se faire un petit peu marcher dessus. J'aime pas ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Très bien. Eh bien c'est parti pour Mafia maison de retraite. Patron, prenez mon fromage, ça vous fera du bien. Ah, merci beaucoup. Oh putain, je dis coupe. Oh bah, pour qui je prends celui-là ? Et maintenant que nous avons tout le fromage, nous allons pouvoir attaquer le clan des Bulgares. Et nous avons le monopole. Oui, nous avons le monopole des cuillères. Et là, ils ne pourront plus manger leur soupe, ces bandes d'enfoirés de Bulgares. C'était vraiment ma le compote. Mais qu'est-ce qu'il y a, Lunette? T'as entendu? J'entends pas bien. Je crois qu'ils veulent voler des choses. Qui dit le voisin? Ouais, il a parlé des cuillères. Des cuillères? Ouais. Eh hey, patron, il y a des tops à côté. Qu'est-ce qu'il va faire avec des cuillères? Mais je sais pas, demande-lui. Qu'est-ce que tu fais, toi, la tête qui t'écoute mes conversations, là? Mais non, on demandait ce que tu allais faire avec les cuillères. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux une cuillère ou quoi? Mais oui, je veux une cuillère pour manger ma compote. J'ai besoin de la cuillère, je veux pas la manger avec les doigts. Eh ben écoute-moi, si tu veux la cuillère, il va falloir que tu ailles faire chier le comte bulgare là-bas. Mais pourquoi tu veux me prendre ma cuillère? Je te la donne, ta cuillère, si tu veux. Oh, bah non, mais c'est ma cuillère, tout de même. Mais arrêtez. Mais de ma cuillère. Ah bah non. Alors, j'ai demandé au parrain de faire un petit résumé de son curriculum. Il va montrer au couple que c'est un dur. Et ensuite, il va proposer au couple quelque chose qu'ils ne pourront pas refuser. C'est-à-dire une mauvaise action à faire pour rentrer dans la mafia. Dans la mafia, quote unquote mafia. Vous voulez rentrer dans la famille. Tonio, Prends-lui son danger. Mais laissez-le. Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon. J'ai récupéré ici toutes les cuillères. J'ai récupéré ici tout le parmesan. J'ai récupéré ici tout le jambon de Bayonne. Oui, tu peux plus bien, ça. Et tu sais où sont passées toutes tes plumes d'oie dans ton oreiller. Mais plume-moi. Mais mon dentier. Non. Mais mon dentier. Alors écoute-moi bien maintenant. Et toi aussi, la vieille, écoute-moi bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à vous deux d'aller voir le comte bulgare, d'aller voir ce cher Henri. Et vous allez lui demander de... Vous allez lui enlever son deuxième pied de lit. Et si on veut pas aller le voir? Si vous voulez. Mais si on peut faire ça, mais mon dentier, mais pas mon dentier. Si vous voulez pas, on gardera une dent contre vous. Mais mon dentier. Oh, le pauvre Gilbert. Tiens, prends ton dentier, mon gars. Ah bah, mon dentier, quand même. Merci. Ah bah, dites donc. Bon, on y va. Voilà, je suis pas là pour te faire du mal, je suis là pour t'aider, tu comprends? Après, tu me rendras ma cuillère que je puisse manger ma compote, hein. Tiens, je le fais par charité. Ah, ma compote. Écoute-moi bien, mon ami. Je suis ton ami, ici. Mais on s'entend bien ensemble. Mais ça dépend si tu me donnes une deuxième compote. Tu vois là, ta deuxième compote. Oh oui, ma deuxième compote. Oui. Tu vas enlever ce pied de lit, comme ça, le comte bulgare, il aura mal au dos, ok? On va enlever le pied de lit, Ginette, on sait faire enlever le pied de lit. Ok, si c'est toi, je serai d'accord pour le faire. Bon, après il y a la deuxième compote. Ainsi, le couple part en direction de la chambre du bulgare et il va parler, bien sûr, sur le chemin. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec les idéaux du parrain? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ils sont donc sur le chemin va lentement. Oh merde! Pardon. Pousse, Ginette, parce que la roue de mon fauteuil est coincée. Oh là là, mes genoux. Oh, j'ai de plus en plus de mal à marcher. Tu crois que si on enlève le pied de lit, il pourra me donner une compote? Moi, je lui fais pas confiance. Tu veux pas confiance? Je lui fais pas confiance. Bah, il a l'air un petit peu bizarre quand même. J'aime pas son regard, j'aime pas comment il est, il a l'air méchant. Tu m'avais pris mon dentier. Moi, oui, il t'a pris. Oui, et il t'a même pas donné de troisième compote. Bah non, alors... Est-ce qu'il faut vraiment faire enlever le pied de lit parce que qu'est-ce qui va nous tomber derrière? Moi si on prend mes habits après s'il se passe des choses bah ça va pas du tout. Ah oui non moi je veux pas d'histoire, je veux pas faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout à la madame qui est là-bas ou on se cache dans le placard? Tout voilà mon ami. On y allait justement. Alors j'espère que tu vas bientôt faire cette action. Bah, on n'a pas trouvé la chambre, mais on y va. Et si on le fait pas, Tiens, je te donne une cuillère à toi ici. Et une compote aussi. Tiens, une compote. Je suis votre ami. Je suis là pour vous aider. Vous en aurez plein de compotes aussi, vous m'aidez. Je suis pas le mec méchant ici, je suis les gentils. Ok. Bon, on y va de ce pas. Enfin, disons de cette roue. J'espère. Je te regarde attentivement, mon ami. Ok. Je te pousse, oui, Gilbert, j'arrive. Je te pousse. Oui. Bon, il a quand même dit qu'il allait nous donner des compotes supplémentaires, hein. Bon, dans ces cas-là, on peut pas vraiment refuser. Pour un pied de lit, ça vaut le coup. Ça se fait. Ah, alors, on y va. De ce moment-là. Bon. Mes amis, bonjour. Je suis comte bulgare. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour. J'ai entendu discussion à vous dans couloir, avec Palin Vieux. Ah, la compote. Oui, les cuillères. Oui. Vous voulez voler mon pied de lit pour la compote? Non, on fera jamais ça, monsieur le comte. Inadmissible. Alors, écoutez-moi. Je vais vous donner des somnifères. Oh, non, très bien. Ginette est dans 4 heures la nuit, c'est largement suffisant. Non. Les somnifères serviront à anesthésier par un meldouille. Ah, c'est pas pour nous, les somnifères. Non. Mais on n'a rien pour nous, j'ai l'impression. Mais aussi, oui, hein. Et vous avez des compotes, vous? On paye quand même suffisamment cher, hein, dans cette histoire. On pourrait quand même avoir des compotes et des somnifères, hein. Si vous faites le somnifère dans le paparin, alors moi donnez-vous compotes, moi avoir le deux caisses que moi volé l'autre le jour. Bon, ok, on fait ça alors, on prend les somnifères. Bon. Eh bien. Allez, on y va. Ok. Bon. Et attendez, pour paraître crédible, prenez mon pied de lit. Ah bah oui. Ah bah. Tenez. Oh, c'est rudement gentil. Bon, c'est parti. Allez. On y va. Bonne chance. Allez, je te pousse. Allez, on y va. Bah oui. Allez. Mais ça se profile plutôt bien, Ginette, si tu y penses quand même, hein, parce que on a réussi à prendre le pied de lit sans avoir le faire nous-mêmes, et en plus on aura des compotes de l'autre monsieur. Oh, on aura des compotes des deux côtés. Exactement. Ça fait deux fois plus de compotes. Ça, c'est ce qui s'appelle bien joué. Mais faut demander deux fois plus de cuillères. Tirer aussi. Son épingle du jeu, ma petite Ginette. Ah. Oui. Bon. Ainsi, la journée s'avance et c'est l'heure du thé. Le parrain et son sbire sont en train de boire le thé et le couple arrive vers eux. Parrain. Donc, je te propose pour le prochain plan, c'est qu'on veut voler tout ce qu'il y a de pâté ici. Ah, le tea time, c'est le tea time hein. Bonjour les gars. Voulez-vous une tasse de thé? Eh ben oui, prenons le thé, Ginette, assieds-toi. Et des gâteaux aussi. Voilà, et on vous ramène le pied de lit. Ah, on a trouvé. Je le sais reconnaître, les amis, ici. Ben dites donc. Oh, mais votre thé, il a l'air un petit peu chaud. Je vais vous refroidir un petit peu, regarde, tenez. Moi, j'ai les mains froides, comme si j'étais dans quelques mois. Bon, donnez-moi le thé que je vais le refroidir un petit peu. Tiens, je te donne mon thé, mon ami. Voilà. Parrain, bon. Avez-vous vraiment confiance en elle? C'est mon ami, regarde ce qu'il m'a amené. Évidemment. Il vous a ramené le pied de lit, quand même. Le pied de lit. Ginette, je vais mettre le somnifère. Voilà, il est beaucoup plus froid comme ça. Alors raconte-moi, comment il était le comte Bulgare? Tu l'as vu ou pas? On l'a aperçu, mais... J'espère qu'il ne t'a pas vu, lui, au moins. Non, il regardait ailleurs. Et puis, Ginette lui a fait un numéro de charme. Ah bah, oui, que quand, là, il est charmé, vraiment. Quand Ginette, elle montre les attributs, je peux vous dire qu'il ne regarde pas ailleurs. Ah bah, les chemises d'hôpital, ça s'ouvre facilement, comme les chemises des maisons de retraite. Je vois que vous êtes très malin ici. J'ai affaire à des personnes qui sont très malins. Eh bien, tenez. Vous avez mérité ces compotes. Oh, bah c'est rudement gentil. Tu vois, Tony, je t'ai dit que c'était une bonne chose. Tu me disais qu'il ne fallait pas faire confiance à ces personnes. Vous aviez raison, parrain. Le thé est bu. Et après le thé, tout le monde s'en va, sauf le parrain qui reste tout seul, endormi. Tiens, Ginette, prends une photo. Prends une photo du parrain. Ah, mais moi je sais comment pas. On clique c'est quoi, sur le truc là. Non, tu zoomes. Voilà. Tu zoomes, là, attends, tu zoomes. Attends. Oui, attends. Il y a un flash. Ah, on a la photo. C'est un Polaroid qu'ils appellent ça. Bon, alors, on va aller voir le comte maintenant. Je suis là, bonjour. Mission accomplie à ce que je vois. Regardez la photo. C'est le Polaroid. Voilà. C'est bien, moi, pas besoin photo, moi, voir lui dans le mille ici. Ah bah oui. Alors, écoute. C'est parce qu'on voulait faire comme les jeunes, pour vous savez, pour l'Internet. Nous, maintenant, lui enlever sa crédibilité, comme ça, lui, plus palin du tout. Palin de rien du tout. Oui, mais à ce moment-là, vous nous donnez une compote tout de même. Bah oui. Là, vous avez plombé. Moi, donnez-vous des gâteaux aussi. Pas problème. Compote, gâteau, pas souci. Oh, bah c'est rudement gentil. C'est assez gentil. Alors, moi, décidé, vider bouteille d'eau sur son autre jambe. Comme ça, le personnel hospitalier va s'apercevoir et va l'envoyer à l'hospice de l'autre bâtiment. Oh, bah c'est rudement intelligent, ça. Et nous, débarrasser, enfin, dictateur communiste. Et moi, comment osez-vous? Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Ah, te voilà, Mario. Vous avez endormi mon parrain. Oui, ça est un fait. Vous allez le payer. Mario, pense à toutes les humiliations qu'il t'a fait subir. Les humiliations? Mais il m'a fait grandir en m'humiliant. Mais Mario, il te fait faire toutes les tâches ingrates. Va prendre les cuillères, va reculer pot de chambre à moi, tout ça. Ça ne te fait rien. Mais il est bien plus intelligent que moi. Lui seul peut savoir ce qu'il faut faire pour gagner la guerre. Alors écoute, Mario. Demain, Parrain sera envoyé à un autre bloc. Est-ce que tu veux le rejoindre ou est-ce que tu veux faire autre mafia avec nous? Je prendrai sa place à la tête de la mafia des vieux. Et vous aurez un ennemi bien plus implacable que lui. Ainsi, dans la maison de retraite, deux clans font toujours rage. Et nous serons la suite au prochain épisode. Ah, très bien. Donc j'ai des compotes. Je suis navré d'arrêter comme ça, mais on est vraiment à la bourre. Failli croire que le couple de vieux allait devenir la prochaine mafia parce qu'ils avaient sorti sur les deux autres. On avait bien joué, hein. Ça serait trop beau. Formidable cette improvisation. Sans transition, on va écouter Daft Punk versus Red Hot Chili Peppers avec Lose Yourself to Californication. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. C'est faux. C'est faux, petite voix, tu as tort tout à fait, puisqu'il est 23h02, qu'on est à la bourre, mais que j'ai des gens qui sont motivés, passionnés, donc ils sont prêts à prendre de leur temps supplémentaire pour faire une autre improvisation, une dernière improvisation, une ultime improvisation qui parlera d'une visite immobilière. Oui. Oh oui. Ouais, ça descend tout de suite. Hein, ça dépend si c'est un bel appart. Un bon appart. Un bon appart. Ouais, Marc, les blagues de merde. Oui. Exactement. Tu as fait un dédoublement de personnalité, tu l'as gardé, c'est ça. Ok, donc on va se retrouver dans une visite immobilière où va y avoir un couple qui va aller voir Maître Véreux. Déjà, ça inspire confiance. Maître Véreux. Je crois que j'ai piqué ça à un sketch des Inconnus, je sais plus trop. Et donc Maître Véreux va faire la visite d'un appartement au cœur de Paris. Cœur de Paris, d'accord. Ouais, ça se dit, non? Oui, d'accord. Disons que c'est pas dans la Creuse, quoi. Donc c'est pas dans la Creuse. C'est, quel arrondissement? Troisième. Ok, ouais, ça va. C'est pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Ouais. avec vue sur la Tour Eiffel. Oui. Oui, parce que c'est un appartement et voilà. Et comme c'est pas plus cher, il y a vue sur la Tour Eiffel. En effet. C'est la radio. C'est formidable. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'appartement est complètement pourri. Ah, logique. Mais il est rénové juste assez pour qu'on s'en aperçoive pas. D'accord. Okay. Donc Maître Véreux va enjoliver tout ce qu'il peut. Bien sûr. Maître Véreux, je le vois vraiment comme un quelqu'un qui a vraiment du bagou, qui va essayer de rentrer dans la vie privée des gens, de s'apercevoir de qu'est-ce qui les fait vibrer et d'essayer de transmettre cette énergie. Marc me fait des coups de cils, là, des haussements de sourcils très inquiétants. Moi, qui veut le faire du coup? Non, mais pourquoi pas? Qui veut le faire? Théo, je te vois bien dedans, toi. Ah bon. Ouais. Si tu veux. Ah si, tu fais de la radio depuis un moment, t'as un bon bagou. Hein. Ouais, je pense que si tu veux me vendre un appartement, tu réussirais. Si vous voulez. Maître Véron, allez, ok. Donc, le couple, monsieur et madame Boulebouche. Monsieur et madame Boulebouche, oui, tout à fait. Pourquoi monsieur et madame? Non, comme vous voulez. Hein. Ils ont un fils. Ils ont... Non. Bah, qui veut faire le couple? Comme vous voulez, Anthony, Marc ou... Ariane, comme vous voulez. On va pas y passer la soirée non plus. Ils sont en train de faire un chifoumi. Un chifoumi, alors. Et c'est Marc qui gagne. Du coup, c'est moi qui ai gagné. Voilà. Ok, ah, avec moi. Monsieur Boulebouche. Vas-y, Ariane et Marc feront le couple et Anthony, tu auras un rôle dans l'improvisation. Tu feras bing. L'amant dans le placard. Ouais, mais tout seul. Ouais, non, bon. est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. J'ai pas de titre rigolo, donc on y va pour. C'est un T3. T3. Formule 1. J'allais faire un jeu de mots de mauvais goût. T3 play. On y va pour visite immobilière sur Indestar. Je comprendrai après. Ah, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bah, bienvenue. J'espère que vous avez fait bon voyage pour arriver jusqu'ici. Vous avez vu, le quartier, il est sympa. Hein. Ça va, c'est un bon sac, il y a eu un peu de bouchon pour venir. Oui, bon. Oui. Ouais, mais alors, ce qui est cool ici, c'est que vous avez la ligne du métro qui est à seulement 2 minutes à pied. Ah. Et alors, ça, c'est vraiment. Sur Paris, il n'y a pas ça à chaque carrefour. Hein, ah si oui, vous non, voulez, c'est intéressant, bon. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au 5e étage. Mm-hmm. Okay. Alors, je vais vous faire prendre les escaliers parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour se rendre compte vraiment de la beauté du bâtiment. Je vous suis. Hein. D'accord, bah, on y va. D'accord. Voilà. Alors. Ça va? Vous y arrivez? C'est un peu long quand même. Oui, hein, non, mais alors, et ce qui est bien, c'est que l'avantage d'avoir des escaliers, c'est que ça vous fait faire du sport en plus d'arriver chez vous. Donc vous voyez, vous économisez les prix d'une séance de sport et vous arrivez directement à votre appartement, ouais, enfin, en petite séance tous les jours. C'est vrai que si on vient et qu'on a fait les courses avant, qu'on a 3-4 sacs... Mais justement, comme ça, vous faites double sport. Vous en avez pour une semaine et ça vous coûte pas le prix de la salle. Alors, attendez, on va ouvrir la porte. Alors, est-ce que j'ai les... Ah bon, non, bah, ça s'ouvre tout seul. Et ce qui est génial avec cette porte-là, c'est que vous avez pas besoin de clé. Donc, fini les « Ah, oh, chérie, j'ai oublié les clés », etc. On rentre directement dans l'appartement. Ça veut dire les voisins et n'importe qui peuvent rentrer. Non, parce qu'en fait, si vous mettez un meuble derrière, personne ne rentre, finalement. Oui, mais nous... Et l'immeuble est très calme, très, très calme. Je vous laisse rentrer dans l'entrée, hein, justement. Ouais. Grande entrée, hein, vous pouvez le voir. Regardez, on est au plafond, donc ça a un avantage certain. Enfin, c'est vraiment le plafond au-dessus. Enfin, je veux dire, on voit de l'eau qui tombe quand même. Oui, alors, figurez-vous qu'on a pensé à mettre une douche dans l'entrée. Ah, c'est bah, comme ça, quand vous arrivez, bah ouais, non, mais quand vous arrivez, que vous êtes un petit peu sale parce que vous avez passé une rude journée, l'été, hein, l'été, vous transpirez, hop, petite douche en arrivant, c'est sympathique. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. La couleur de l'eau est quand même un peu grise là. C'est... Ouais, mais alors c'est pas grave parce que vous avez une autre salle de bain au fond qu'on verra tout à l'heure qui possède elle de l'eau claire. Donc comme ça, on a les doubles. On a l'eau plus foncée et puis l'eau claire au fond. On va se diriger tout droit vers la salle à manger. Regardez-moi la taille de ce séjour. Est-ce que c'est pas un peu impressionnant? C'est vrai, mais par contre, pourquoi? Enfin, je veux dire, je suis arrivé, il faisait déjà un peu froid, mais ouais. Je vois qu'il n'y a pas de fenêtre. Alors non, ça c'est parce que figurez-vous, vous allez rire. Alors, c'est les anciens propriétaires, et ils se sont dit que on allait faire un salon ouvert. Vous savez, quand on dit on ouvre sur le salon, et ben là on ouvre sur l'extérieur, on ouvre et regardez la vue que vous avez, regardez la Tour Eiffel. Hein, vous avez... penchez-vous, regardez. Hein? Hein ouais, oui, est-ce qu'il fallait mettre une fenêtre avec des barreaux et on n'aurait pas vu la Tour Eiffel aussi bien? C'est vrai que ça aurait été dommage. Bon, bah voilà. Et regardez-moi ce parquet. Oui, non, mais je suis vraiment désolé, mais. Oui. Est-ce que c'est une heure passante en ce moment? Alors, pas spécialement, pourquoi? Parce que bah, on entend quand même pas mal les gens qui marchent dans la rue. Oui, alors, et figurez-vous, c'est marrant que vous en parlez parce que les anciens propriétaires, hein, ceux qui avaient décidé d'ouvrir, hein, et ils se sont dit, nous on va être dans la ville, comme vous voulez habiter en ville. Donc la ville, c'est du mouvement, c'est des oui, gens. Enfin, c'est quand même très bruyant. C'est oui, mais, bruyant. Mais c'est du partage, madame. Oui, mais c'est vrai que vous comprenez, on est un jeune couple, on a besoin d'un peu d'intimité, quoi. Oui, mais en même temps, vous êtes un jeune couple, donc vous êtes à fond dans la société, vous vivez, hein. Et la vie, c'est des gens. Et les gens, bah, vous les avez à l'appartement. Voilà. À ce moment-là, oui. Anthony, qui va jouer, qui se rapproche avec sa chaise, qui va jouer l'ancien propriétaire, du coup, qui ne savait pas qu'il y avait une visite aujourd'hui, va sortir de la salle de bain en serviette, poursuivi par 3-4 rats. Des rats. Sympathique. Et donc Anthony, tu vas dire la vraie vérité sur cet appartement, l'enfer que tu as vécu. Tu peux y aller. Je te mettrai une petite musique triste si je peux. Ok. C'est reparti. Bon bah, et est-ce qu'on peut continuer la visite? Mais bien sûr, nous allons dire ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu. Là. C'est pas possible ça là. Ah, c'est pas possible, ces oies-là, vous pouvez barrer, je crois pas de voir ça. Mais vous êtes à moitié nu? Ah, bah, oui, mais remarquez qu'il est à moitié habillé aussi, hein, quelque part. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, là? Alors, j'étais en train de me doucher, il y avait ces oies-là qui sont apparues, et puis vous apparaissez ici. Mais parce qu'on faisait une visite de votre appartement, monsieur. Vous voulez le vendre, votre appartement? Regardez, on a deux gentils gens, là, qui sont là pour visiter l'appartement. Ils sont complètement emballés par votre appartement, hein. Mais c'est ouais, complètement emballé. C'est peut-être un peu fort. Bah, c'est parce qu'on n'a pas fait toute la visite, mais vous êtes semi-emballé. C'est-à-dire, je vais continuer la visite avec eux, moi je vais leur expliquer, mais faut pas rester là, monsieur et dame. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Alors, c'est pas son appartement, c'est ouais, toi qui le vends et lui est locataire. Ah, il est locataire. Donc, t'as pas de levier sur lui, si tu veux. Non, ok. Non, on lit, moi. Mais faut pas écouter une personne comme ça, là, Kelly. Mais c'est-à-dire, lui, il veut n'importe quoi. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je vis là. Non, mais toi, tu vas m'écouter, là. Ça fait 4 ans que je vis là. Tous les jours, je me prends la flotte, là, quand je rentre. En plus, j'ai des problèmes de dos, là. Je monte les 5 escaliers. J'ai très, très mal. L'ascenseur, il marche plus depuis au moins 5 ans avant que je sois arrivé ici. Mais c'est affreux! Et le vous bruit? Vous exagérez peut-être au bout de 5 ans. Oh non, j'exagère pas, hein. Quand je veux dormir, moi je fais quand même pour dormir, mais j'ai les cabots là de l'autre voisin qui gueulent toute la nuit. Y'a les voitures qui roulent là dans l'autoroute. Enfin, c'est la vie ça, monsieur, c'est ce que j'expliquais à ces jeunes gens, voilà. C'est la vie là que tu me disais là que j'étais à 2 minutes du métro, mais c'était pas du tout là, c'était vraiment en banlieue, je suis même pas dans le premier tramuros. 2 minutes, c'est 2, 3 minutes, 5 minutes maximum. C'est pas 2, 3 minutes, c'est une heure à pied. Vous exagérez. Moi en courant, je l'ai fait en 12 minutes. Et je cours pas vite, hein! Écoutez, monsieur, dame, c'est pas vraiment là que je vous vois. Moi, faut trouver autre chose. Là. En plus, l'appartement, il est indécemment cher pour ce que c'est. Ouais, et vous avez quand même des moulures au plafond, hein, monsieur, dame. Regardez. Et les moulures, je les invente pas, hein, ils sont là. Hein. Écoutez, monsieur Véreux, moi, je peux pas vous écouter dire ça sans rien faire. Je vais être obligé de vous taper là. Mais bah, monsieur, un peu de respect. Mais je m'excuse, je vous respecte, mais je vais. Alors non. Tu vas pas le taper, ça passe très mal à la radio. J'adore taper. J'ai pas les bruitages. J'ai tapé combien de personnes dans Yann, je vais te laisser 20 secondes. Ouais. Pour faire un petit discours, pour essayer au final que le couple achète ton appartement. Oh là là. Tu vas essayer de je sais pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ouais, tu peux essayer de les apitoyer, ouais, je vais me faire virer, je sais pas, je suis à la rue, c'est tout ça. Ce que tu veux. C'est ce que je pensais. Pourquoi j'ai pensé tu veux une musique triste? Ouais. Vas-y, ok. C'est ton moment. Et bon. Je te laisse 20 secondes pour t'exprimer, oui, là, parce que sinon je te tape. Alors vas-y, messieurs, dames, regardez, cet appartement, c'est quand même le plus beau des appartements. Là, vous faites une véritable affaire, parce que imaginons que vous achetiez, moi, je veux bien faire des travaux, je veux bien améliorer les choses, parce que moi, vous comprenez, j'ai besoin que vous achetiez cet appartement. Sinon, moi, je suis à la porte, et moi, c'est pas avec des rats, c'est pas avec une fenêtre qui n'en est pas une que je vais finir. Moi, c'est dans la rue, vous voyez, là, en bas, directement sous les ponts, et ma femme va me tuer, ma femme va me quitter, mes enfants vont m'abandonner. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, achetez cet appartement. Je vous aiderai, je viendrai le dimanche pour refaire la peinture avec vous, mais s'il vous plaît, achetez-le. Merci. Et le couple va délibérer dans la cuisine. C'est parti. Oh là là, chérie, je sais pas quoi faire. Bah, c'est vrai que, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Enfin, je veux dire, depuis qu'on s'est fait jeter de chez mes parents et de chez tes parents, ben, on n'a plus grand chose, on n'a plus grand part où aller. On se fait héberger à droite, à gauche par nos amis, mais... Et là, voir son petit air de chaton perdu, il faut faire quelque chose pour lui. On peut pas laisser comme ça. Je comprends, mais en même temps, c'est même pour nous, je pense pas que l'appartement soit très intéressant. Enfin, je veux dire, avec tous les travaux qu'il y a à faire dedans... Oui, mais sa femme va le quitter. Il va être à la rue. Oui, mais enfin, honnêtement... À 12 minutes du métro. Je ne peux pas vivre dans cet appartement. Si tu choisis cet appartement, c'est moi qui m'en irai. Mais comment tu peux me faire ça? Mais comment tu serais capable de me laisser toute seule? Comment tu peux imaginer vivre ici dans... C'est dans du chantage. Mais ce qu'il fait aussi, c'est du chantage. Et pourtant, tu l'acceptes lui. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et bah, pour dire quelque chose comme ça, on mérite même pas d'être ensemble. Je crois que... Je peux très bien faire ma vie sans toi. Je crois qu'on a été un peu vite pour vouloir choisir cet appartement. J'en ai marre que tu prennes des décisions à ma place. Non, t'as raison, prends ta décision, moi aussi je vais faire ma décision et je pense qu'on me pardonnera si j'explique ça à mes amis, tout simplement. Va-t'en, laisse-moi. Adieu. Oh, monsieur. Merci. Oh, le retournement de situation. Bien. On va finir ensemble. Vraiment très stylé, ouais. Ouais, trop cool. Est-ce qu'on en parle de cet accent? Oui, alors, mi-belge, mi-québécois, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Hey. Je vous présente mon nouvel accent. Ici, ouais. C'est bon, donc, Théo, comment dire, qu'avec ton bagou, tu vends pas des appartements, tu détruis des coups. C'était pas prévu, hein, à la base. Ok. Avant de faire un petit débrief, on écoute Astonia avec la chanson 3 minutes. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait. Bah, place à la fin d'impro. Ouais. Petite voix placide. Placide. Puisque, je sais même pas ce que c'est. Ouais. Donc, c'est la fin de l'émission. Toutes les impros sont passées. Comment ça va? Ah bah ça va très bien, toutes les impros ont une fin comme on dit. Oui, c'est vrai, on le dit. Ah oui. On le dit dans certains endroits. Dans le bouchonnois. Dans les milieux autorisés. Dans le bouchonnois, on dit tout. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? Trop bien. Ouais. Ah ouais, c'était très chouette. Génial, ouais. Ah bah c'était très chouette. J'ai testé plein de nouveaux accents. Oui, hein. Soit tu t'es découvert bien aujourd'hui, Anthony. Ah ouais, c'est fou. Moi j'ai pas pensé. Ah oui. C'est dommage. Toi, Théo, tu fais quelque chose qui est très rigolo, on est à la radio, mais quand il y a des actions à faire, bah, Théo les fait vraiment. Ah oui, avec les gestes. C'est, vrai, quand c'est mon côté, c'est parce que j'ai fait 6 ans d'italien, c'est pour ça. Ah, c'est... Alors j'ai pas développé le vocabulaire, mais par contre les gestes, j'ai connu. Mais fais-nous l'action italien. Bah, ouais, non. Non, t'as vraiment fait 6 ans d'italien ou pas? Ouais, j'ai vraiment fait 6 ans d'italien, ouais. Mais en fait, j'ai su dire bonjour et au revoir. Ah, d'accord. Mais du coup, ça se passe comment les classes d'italien? C'est-à-dire que tu arrives et tu parles pas, tu fais juste des gestes et ça marche? C'est le langage des signes. En vrai, les autres arrivent à parler, mais comment tu pas dis, moi. Comment tu dis la fille à la veste jaune, par exemple? Non, mais attends, je t'ai dit que je savais dire bonjour et au revoir. Non, je sais autre chose. J'ai appris par cœur un dialogue en fait en italien de ma première année. D'accord. Vous voulez que je vous le fasse? Ouais. Alors c'est l'histoire d'Antonella. C'est une jeune femme, enfin une jeune fille. Non mais là tu parles en français. Non mais je raconte un petit peu le scénario. Et Antonella, son papa va venir la voir pour lui dire que va devoir partir en Sicile parce qu'ils vont aller aider leur oncle là-bas qui a une auberge. Là pour longtemps ou... Non, on y va. Alors ok, on y va. Antonella, con permesso, ti posso parlare un attimo? Certo papà, entra pure. Che cosa che non va? Oh, va tutto bene. Ho avuto una lunga telefonata con lo zio Amedeo. Come va lo zio? Oh, va bene, ma entra l'albergo e il ristorante ha troppo lavoro. Et voilà, j'en suis arrêté. Alors, je laisse soin à Annick qui est venue dans l'émission, qui parle italien couramment, de juger. Je lui demanderai un petit rapport, ce qu'elle en a pensé, et ensuite. Bon, c'est les souvenirs de quatrième, mais c'est la seule chose. Je sais virer, Théo. Ok. Non, mais c'est très. C'était cool. Impressionnant. Ouais. Je suis content de m'en rappeler quand même. Tout à fait. Bah, donc, à chaque fois, enfin, quand je vais en Italie, si tu veux, s'il y a ces mots-là qui sortent, conversation, je fais ah, l'albergo. C'est comme jouer au loto un peu. Ouais, c'est ça. T'as des milliards de possibilités, tu paries sur une. C'est ça. Et avec un peu de chance, tu te feras comprendre. Je m'attendais pas du tout à cette comparaison. Et petite anecdote à mon oral d'italien que j'ai passé quand même au bac. J'étais con jusqu'au bout, c'est-à-dire que en fait, tu dis arrivederci, ça veut dire au revoir, machin. Donc la prof m'a dit arrivederci, et moi je lui réponds me too. Et là, je ferme la porte et je fais. Ah oh, non, c'est con. Pas italien, ça. ça sonnait bien, tu vois, sur le coup. Donc, voilà, c'est la fin de l'émission. L'émission est disponible en podcast, bien sûr, sur indestar.fr, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et sur Castbox qui est la plateforme de podcast que Anthony connaît. Voilà, ouais, tout à fait. Formidable. Moi, j'écoute sur Podcast Addict. Et avant de partir, on va faire un petit big up à quelqu'un qui nous a marqué tous les trois avec Ariane, Anthony et Marc. Oui. Le monsieur chelou de la camionnette. Le fameux. Je suis navré, Théo, on va te raconter l'histoire. Oui, on j'ai était eu en off, mais moi je vais l'avoir en on. On était en voiture, c'est moi qui conduisais, et je m'engage sur une route, et quelqu'un derrière moi fait des appels de phare. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis je me demande, mais mes feux sont allumés, je ne comprends pas cet homme. Oui. Alors du coup, après, il m'a dépassé sur une ligne blanche. Il a sorti sa main. Alors, j'ai pas vu s'il faisait un doigt ou pas. On n'a rien vu. Ouais, mais en fait, il a sorti sa main en mode c'est un cycliste qui met le clignotant, tu vois, mais il était en voiture. Mais il tournait pas du tout. Ouais, on va dire qu'il a fait juste ça. Pour la radio, et on va dire. J'avoue que pour la blague, je lui ai refait des appels de phare quand j'étais derrière lui. Trop bien. Mais il a ralenti. Après, il a ralenti, ouais. Mais ralenti, enfin, on roulait à 10 sur la Ouais, pour t'embêter, quoi, on est à 40. Mais en plus, t'étais bien loin derrière lui. Donc oui, parce que je me méfiais quand même. Plus énervé que toi. Ouais, c'est possible. Donc voilà, on lance aujourd'hui un appel à cet homme-là. S'il veut nous expliquer pour nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. S'il veut participer, j'ai vu de la lumière. Il est le bienvenu. S'il s'est passé dans sa vie. Finalement, lui, il a vu de la lumière aussi. Et s'il l'a mal pris, on s'excuse ou pas? Mais voilà. Bah, il a dépassé en ligne blanche, donc. Ouais. J'ai lui qui a commencé. Sur de là, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette émission avec vous dans le studio, plaisir ainsi partagé. Qu'avec vous derrière vos postes ou vos portables. Et ben oui, c'était un plaisir pour tout le monde. Et ben formidable. Un plaisir partagé. Merci Clément. Un petit mot de la fin. Comment dit-on la fille à la veste jaune? La ragazza la gaccagia là. La ragazza, je crois, c'est une fille, un truc comme oui, ça. Oui, c'est ça. Peut-être que je mens. Peut-être pas. On sait pas. Moi, je sais que c'est un spaghetto et des spaghettis. Parce que c'est pluriel. T'es bien meilleur que Théo. Maman mia. Y a pas de mal. Me too. Ariane, un mot de la fin? Bisous. Ok. À tout le monde en général. Bisous à tout le monde. Voilà. Théo? Arrivederci. Ouais, arrive par ici, tout à fait. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve mardi prochain à 21h pour la même émission. Parce que c'est la même là. Non, une autre, bien ah, sûr. Ah, parce que j'étais prêt à faire... Avec d'autres scénarios, d'autres comédiens, bien sûr. En attendant, on vous dit des bisous et portez-vous bien. Voilà. Bisous, des bisous. Bisous. C'est lourd. C'est lourd. De se porter. Ouais, tout à fait. Bonne soirée. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.